couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode numéro 5. Sans transition aucune, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à notre adresse email dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Je demande aussi à tout à chacun de faire circuler la nouvelle adresse du site démocratie-participative.art, A-R-T, comme de l'art, hein, démocratie-participative.art. C'est le nouveau nom de domaine, donc la censure suit son cours, hein, voilà, tout va bien, hein, on est dans un pays libre, hein, bien sûr. Et faites circuler ça. Et aussi l'oignon Tor du site est en cours de modification. On l'améliore en fait. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais ça se fait pas en un jour. Donc un peu de patience aussi. L'oignon va revenir. Patience. Donc avant de remercier nos donateurs, je vais présenter les membres de la semaine. Je vais commencer sans transition aucune aussi là avec Wittmann qui nous fait le plaisir d'être présent. Salut Wittmann. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Et aussi avec nous cette semaine Porovitch. Salut Poro. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Cette semaine aussi avec nous Pierrot. J'espère qu'il va bien, ce Pierrot qu'on apprécie tant. Bonjour, heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment. Bonjour à toute l'équipe. Alors, normalement, Fulbert est avec nous, mais son micro n'est pas encore branché. On va voir ce qui se passe. Diabolix est avec nous cette semaine. Salut Diabolix. Salut Gandalf, salut à tous. Comment vont tes merguez? Spécialité française, cher ami. Ouais, je sais, ouais. On va parler un peu de merguez dans l'émission. Fulbert est là, il est connecté, c'est bon. Il était sur le front de l'Est, sous les balles, mais ça y est, la connexion est rétablie. Comment vas-tu, Fulbert? Fulbert va bien, merci. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, aussi avec nous cette semaine, Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, je vais remercier les donateurs de cette semaine, bien sûr, et tous ceux qui nous ont soutenus, là. Alors, d'abord, vous pouvez nous soutenir financièrement, aider le site, l'émission, bien sûr, enfin, si vous le souhaitez, en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie. Monero, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé au Canada. Vous avez remarqué que le premier mouvement de Trudeau face à la contestation populaire des routiers a consisté à bloquer non seulement les plateformes de récolte de fonds, hein, de crowdfunding, mais aussi leurs comptes bancaires, hein, vous avez remarqué ça, et à tracer leur bitcoin. Donc, faut savoir que, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que pour en finir avec la contestation, eh bien, le gouvernement canadien, pro-Great Reset, hein, pro-Klaus Schwab, a décidé de s'en prendre au portefeuille des opposants. Et ce ne serait pas arrivé aux routiers s'ils avaient eu Monero, s'ils avaient maîtrisé Monero. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, on n'est pas censé être au courant de tout, mais c'est une très grande leçon à retenir pour la suite. Les gouvernements occidentaux n'hésiteront plus à neutraliser les comptes bancaires des opposants, les empêcher de récolter des fonds, à essayer de traquer les dons qu'ils peuvent recevoir en Bitcoin, puisque c'est accessible c'est public en fait, hein, les transactions, mais pas avec Monero. Donc basculez vers Monero et vous vous en porterez beaucoup mieux. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne nous envoient pas de courriel particulier pour nous dire qu'ils nous soutiennent. On pense à vous, merci à vous. Et puis il y a ceux qui nous envoient des courriels pour nous dire eh bien, qu'ils nous soutiennent, et auquel cas on les remercie en ligne. Premier don, bonjour Gandalf et l'équipe de DP, cela faisait un moment que je n'avais pas fait de don, alors en voici un nouveau, 1,16 Monero, soit à peu près 160 euros, donc au moment du don. J'espère que ça vous aidera à corriger les problèmes créés par les récentes difficultés, effectivement, et c'est signé Robert-René Boulanger. Merci à lui. Don numéro 2, bonjour, 5 Monero, voilà, c'est un don considérable, ont été envoyés. Je vous prie d'en faire bon usage pour la réinformation des Français et par ailleurs d'en confirmer bonne réception à l'antenne de DP. Alors, ça sera fait. Il faudra nous pardonner un temps de latence, malheureusement, puisque, comment dirais-je, on a un peu débordé. Mais oui, on confirmera aussi vite que possible, bien sûr. Sincère salutation, c'est signé un emmerdeur. Merci, cher emmerdeur, pour ce don significatif qui permet, bien sûr, ADP de fonctionner. Don numéro 3. Voici un don de 0,39 Monero pour organiser la contre-offensive Steiner. Portez-vous bien et gardons espoir, car qui sait, peut-être que les Juifs s'excuseront et que les femmes blanches sauront enfin qu'il faut mettre de l'eau dans la casserole avant de mettre les pâtes. Aussi, qu'il ne faut pas dépasser une voiture qui s'est arrêtée devant un passage piéton pour laisser passer un piéton parce que, en fait, je suis le piéton et je refuse de mourir à cause d'une femme. Sikael et vive la race aryenne. Et c'est Rouxis qui nous envoie ça. Merci à Rouxis pour son don, bien sûr. Un donateur régulier, général Antonescu. Confirmation d'envoi de 1 Monero de ma part. Bien à vous, bonne soirée, bon courage à vous. Merci, général. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Là, la maintenance, effectivement, était extensive. Qualitativement, ce sera normalement au top. Normalement. Hein. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical. Commençons cette émission sur une touche légère. Légère, mais quand même. Alors, on va aller vers Bordeaux, où la vie s'organise autour de la diversité. Ça va vous rappeler une petite histoire, il y a quelques années, là, avec Marlène Schiappa, je pense. Je vous lis cet article. Là, c'est Ouest France. Voici cette pièce d'œuvre d'art. 6 bornes d'appel dans 2 stations de tram de Bordeaux en Gironde, appelées à se multiplier sur tout le réseau, ont été habillées ce jeudi 17 février 2022 aux couleurs du dispositif Demandé Angela, qui vient en aide aux personnes victimes de harcèlement dans l'espace public. Des adhésifs et des marquages au sol rose fluo ont été collés sur 2 stations très fréquentées du centre-ville, de même que dans 10 rames de tram pour cette opération présentée à la presse. En cas de besoin, une personne harcelée ou un témoin des faits peut communiquer via ces bornes avec le poste d'information de la société de transport. L'agent contacté peut ainsi s'adresser au poste de commandement de sûreté. Ils peuvent voir ce qui se passe via les caméras de surveillance en station, a expliqué Pierrick Poirier, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole. Si c'est nécessaire, ils appellent la police, sinon ce sont nos agents qui se déplacent. Demander Angela permet de construire un réseau solidaire pour venir en aide à toute personne qui se sent en danger, quel que soit son âge ou son genre, a déclaré le maire EELV de Bordeaux, Pierre Urmic, selon qui les faits de harcèlement et d'agression sexuelle ont triplé entre 2012 et 2020 dans la capitale girondine. Ah ouais, ça a triplé, on ne sait pas pourquoi. Après les 3 mois de fast test, Demandez Angela devrait être étendue à toutes les stations et rames du tram du réseau. Un formulaire sur son site internet permet également de porter un signalement en ligne. À Bordeaux, Demandez Angela a d'abord été lancé en juillet 2021, en partenariat avec des bars et des restaurants de la ville. Toute personne harcelée peut ainsi alerter le personnel de ces 25 établissements identifiables grâce à un autocollant sur leur devanture en demandant Angela pour ne pas éveiller les soupçons de son harceleur. Voilà, voilà, vous saurez tout. Alors messieurs, nous voilà sauvés. Enfin, voilà les femmes sauvées. Puisque maintenant, y a une borne où elles peuvent appeler pendant qu'elles se font violer, en fait. Hein. Elles peuvent échanger leurs impressions. Le téléphone rose, je crois. Bah oui, il est fluo, il est rose fluo. Alors, Pierre Urmic, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette performance artistique, quelque part? Oui, allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais il y a Abdoul qui est en train de me mettre son chibrat dans le cul, là. Oui, bah madame, écoutez, on envoie une patrouille là, hein, serrer les cuisses. Oh, patrouille, du corps meurt. Puis réciter la chade, hein, ça va peut-être vous aider. Oh, vas-y, le grand la mec, du corps meurt. Si je dis pas de bêtises, c'était pas le maire de Bordeaux qui avait déjà fait une affiche pour dénoncer les harceleurs. Où les harceleurs, c'était des hommes blancs de 40 ans. Ouais, alors je sais pas si c'est la, je sais pas si cette majorité-là l'a fait, mais je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est eux. Mais oui, oui, il y a une affiche, tu vois un visuel, t'as 4 mecs qui sont, ils sont en train de poser un peu comme des ivas, donc comme des racailles, et t'as une femme qui est là, bon, qui a les yeux baissés, qui a l'air affligée, et oui, c'est que des hommes blancs, quoi, ce qui est très réaliste, hein, puisqu'on sait tous évidemment le poids que représentent les hommes blancs, hein, dans les agressions sexuelles, dans les transports ou dans les rues en France, hein, on le sait tous. Hein. Mais oui, oui, c'est bien. C'est, en tout cas, c'est la même ville. Je ne sais pas si c'est le même maire, mais c'était la même ville. Enfin, visiblement, il y a des équipes municipales qui ont l'air d'être dans une certaine continuité de ce point de vue. Il y en a marre de tous ces skinheads qui agressent des femmes dans la rue. Ah là, c'est peut-être un petit hommage que tu fais passer à Plus belle la vie qui s'arrête bientôt, là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, voilà, malheureusement, donc on est tous très tristes. Ouais, donc, ils vont... Parce que Plus belle la vie, c'est quand même des scénaristes qui ont beaucoup d'imagination, je veux dire, ils ont quand même fait un scénar où t'as des skinheads qui se travaillent dans Marseille, et puis ils font chier... Pour chez les Arabes, quoi. Chez les Arabes, quoi. Et même, il y a les affiches maintenant, parce que... Bon, bien sûr, on voit les hommes blancs qui agressent, et puis, bien sûr, les hommes blancs sont évidemment... très très attiré par des femmes noires, bien sûr. Surtout les skinheads, hein, d'ailleurs. C'est surtout bah, bien skinheads. Sûr, c'est connu. Connu. Mais comment dire, bon, d'ailleurs, les scénaristes de Plus belle la vie qui sont juifs. Hein. Ah. Ah. Non, je dis ça en passant, je veux dire, c'est tout, hein, c'est pour faire vivre notre diversité culturelle, je tiens à le mentionner. Retournons un petit peu à Bordeaux. Bon, bah, ça nous rappelle un petit peu l'histoire des trottoirs trop étroits. Hein, l'histoire des bornes, hein, on sait pas comment, comme on peut pas déplacer les Arabes, visiblement, hein, qui sont dans les rues, surtout qu'on en met de plus en plus, notamment les maires ELV, hein, parce qu'ils s'acharnent vraiment là-dessus, je veux dire, c'est pareil à Grenoble, à Lyon, enfin, ils insistent bien sur ce point-là, ils aiment les Arabes, j'irais même jusqu'à dire qu'ils adorent les Arabes, ils veulent plus d'Arabes, ils nous expliquent tous les jours de l'année, qu'ils veulent vraiment beaucoup plus d'Arabes, mais en même temps, quoi, hein, bon, voilà. Mais comment faire, puisqu'on nous en met toujours plus dans les rues, qu'il ne faut pas les toucher, qu'il faut les caresser dans le sens du poil, leur donner des allocs, et tout. Donc comment fait-on pour faire coexister cette formidable diversité avec les femmes blanches, qui par ailleurs, bon... Si j'en crois la propagande d'État, elles aussi sont normalement en voie de déification avancée. Donc comment on fait pour faire coexister les divinités? Ah bah, je crois que les femmes blanches vont caresser dans le sens du poil, au sens propre. Hein. Sans la barbe. Non mais je veux dire, c'est problématique parce qu'on est dans une phase de féminisme aggravé où les femmes sont intouchables et dans une phase de bougnolophilie avancée où les Arabes sont intouchables. Alors, comment on fait quand les deux ne peuvent pas se voir en peinture? Ou en tout cas, enfin, si, les femmes, ça, c'est pas qu'elles ne peuvent pas les voir, hein, parce qu'elles nous font quand même comprendre qu'elles aiment bien ça. Mais qu'elles aimeraient qu'il y ait une certaine distance qui soit observée, alors que les Arabes ont un problème avec la notion de distance. Et voilà, comment faire ça? Et là, c'est marrant, on va mettre des bornes. Et là, en fait, t'as le comte blanc, en fait, t'as l'homme blanc, payé au SMIC d'ailleurs, pour essayer de servir. De conseiller matrimonial, en fait, tu vois. C'est ça. C'est, tu vois, l'homme blanc, il est sur la touche, tu vois. Et quand la princesse en a un peu marre parce que les mecs sont lourds, même franchement lourds, quoi. Allô, il y a des. Et là, tu vois, t'as Jean-Michel qui arrive, tu vois. Les valeurs de la République, quand même, là. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et voilà, quoi. Tout ça sous les ordres du Hermique, je trouve ça fabuleux, quoi. Alors, le terme est bien employé, hein. T'as dit que les mecs étaient un peu lourds. Ça me rappelle le QSR, le quartier sans relou, qu'avait créé Madame Schiappa. Oui, mais ça, c'est. Donc voilà, c'est les relous, en fait, les problèmes. Ouais, mais tu te rappelles, elle avait dit qu'ils allaient. Parce que Marlène Schiappa a des idées, malheureusement, elle met rarement en application, parce qu'elle avait dit qu'elle voulait faire une cartographie des quartiers sans relou. Rappelle-toi, Pierrot. Quand elle avait balancé ce concept, on a dit c'était génial parce qu'elle voulait le cartographier. Je sais plus, elle avait une histoire de, c'est une cartographie, mais ça devait être interactif, je crois. Ça devait pouvoir être accessible avec des portables. Je sais plus exactement ce qu'elle voulait faire. Bah, elle a pompé l'idée sur ELB, c'est tout. Qu'elle verse ses royalties dans ce cas-là, parce que merde. Comment dire? Mais comment dire? Marlène, les Monero tout de suite. Hein. Tout de suite, là, maintenant. Mais c'est ce que j'avais dit, c'était génial. On allait avoir une cartographie ethnique de la France. Et bizarrement, en fait, Marlène a parlé et ensuite elle a réfléchi à ce qu'elle a dit. Et elle s'est dit, non, mais en fait, là, tu vois, c'est, la LICRA risque de pas aimer. Donc j'oublie. Ben, c'est dommage. C'est con parce qu'on aurait pu superposer la carte de Schiappa avec la carte des Japonais avec les quartiers à la con, là. Oui! Alors, les quartiers sont à la con, mais là, par contre, la carte, c'est pas une carte à la con. Je trouve très, très pertinente, la carte. Très, très, très... Alors, pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de cette carte, d'accord, c'est un peu comme la carte du QI, en fait. D'ailleurs, il y a des points de convergence. Ah non, mais on peut superposer beaucoup de cartes. Hein. DP, c'est le dessous des cartes. Hein. Le dessous des cartes. Oui, le vrai dessous des cartes, là. Oui, c'est bien vu. Ben en fait, c'est les Japonais qui font circuler cette carte auprès de leurs ressortissants en disant ben, « si vous avez envie de visiter Paris, allez dans les zones vertes, n'allez pas dans les zones rouges ou intermédiaires oranges, parce que ça craint. » Et alors, c'est bizarre, hein, mais les zones rouges mauves, tu vois, c'est le 18e, 19e, 20e, c'est bizarre, quoi. On ne sait pas pourquoi. Mais, et les Japonais disent pas « ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de Noirs en Arabe, quand même. Hein. » Non, non. Et donc voilà, donc c'est assez marrant. Il y a visiblement des constats qui sont réalisés au-delà des frontières, hein, sur certains problèmes récurrents. Alors j'ai vu sur Twitter des interprétations de cette carte, et alors les gens de gauche étaient formels, hein. Ils disaient mais c'est normal, c'est une question de revenus. Sous-entendu, en fait, les gens pauvres sont des assassins et des égorgeurs. Alors c'est une drôle de conception pour des gens de gauche. Okay, et Oussama Ben Laden, il manquait de fric, hein, c'est bien connu aussi. Il est né pauvre, hein. Voilà. Donc mais voilà, donc voilà. Donc bon, Marlène Schiappa avait aussi développé la théorie des trottoirs, toujours avec le concept de l'arabe qu'on peut pas toucher, hein. Inamovible, quoi, l'arabe, tu vois. Il est inamovible, on peut pas le déplacer, quoi. Et donc il fallait élargir les trottoirs, concept malheureusement mort-né en dépit de son succès médiatique. Donc bon, comme on n'a pas les trottoirs, on aura les bornes. Maintenant, est-ce que le succès sera au rendez-vous? Alors, les bornes risquent d'être utilisées, par contre. Hein. Tu vois, je veux dire, des soulards, des nègres sous crack et tout. Enfin, les mecs qui vont être à l'autre bout du téléphone, je pense qu'ils vont vraiment en chier. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime cette république diversitaire. Moi, je trouve que si ça contribue à l'animation générale, moi, je ne suis pas contre. Ouais, ils vont tenir 3 jours, hein, Gandalf. Hein. 3 jours, et puis après, Les fils seront coupés, ça va puer la pisse, voilà. Tout ce qu'ils vont faire. Non, tout ce qu'ils vont faire, ils vont sous-traiter avec des standardistes au Maroc. Ça va être marrant. Ils vont parler entre gougnoules. Comment je suis en train de niquer la gueule, là. Putain. Je rappelle quand même ici qu'au Texas, ils ont une solution beaucoup plus radicale. Oui. Bordeaux n'est pas au Texas, hein, tu l'auras remarqué, mon cher Diabolix. Oui, tout à fait, mais je trouve encore une fois que bon, les Américains ont trouvé l'idée et le côté efficace beaucoup plus tôt que nous, et il serait temps de commencer à les copier. Si tu essayes de violer une Texane, tu vas te retrouver en face de trois possibilités, Smith & Wesson ou Colt. D'accord, moi. Oui, le Fordham, c'est citoyen, oui. Je te garantis que ça calme, hein. Il n'y a aucun problème. J'ai rien contre, moi je suis pas opposé à ça, hein. Mais par contre, vu le nombre d'Arabes qu'il y a en France, je sais pas. Donner des armes aux Arabes, quand même, j'ai des... Ouais, je sais pas. Ah non, pas donner des armes aux Arabes, il suffit simplement que les nanas se baladent avec leurs guns. Ouais, je suis pas preneur non plus, hein, parce que je pense que ça pourrait mal finir. Ouais, je connais deux gendarmes qui ont essayé d'interpeller un type. Avec des armes, hein. Ouais. Ah, et puis le type a pris l'arme des gendarmes et puis il a buté les deux gendarmes. Gendarmes qui aidaient des femmes, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Non, je reste dubitatif aussi sur la solution des femmes armées. Hein. Ouais. Parce qu'elles sont capables de tuer des gamins sans s'en rendre compte, en fait. C'est ça aussi qui fait peur, quoi. Je veux dire, déjà qu'au volant, hein. Bon. Mais. Avec des armes, je suis dubitatif. Mais bon, c'est une... Quelqu'un d'autre là-dessus sur le concept des bornes pour se sauver des violeurs? Je sais pas comment on sauve des violeurs avec des bornes. Ça me paraît un peu obscur. C'est curieux, ouais. Mais j'espère que ces bornes sont couplées avec des caméras directement connectées au site pornographique de manière à ce que les gens puissent se régaler en privé. Bah écoute, si les équipes en charge de la vidéosurveillance sont des Arabes, ça risque d'arriver, hein, quand même. La suite au prochain épisode, je dirais. Attention, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pierre Urmic, vous savez, c'est le maire qui aime pas les arbres de Noël parce qu'il trouve ses arbres morts et il fout des arbres en plastoc. Donc avec du pétrole, donc recyclé, etc. Voilà, c'est... Vous rappelez de ce taré là, voilà, bon, c'est ouais. Non, mais je veux dire, il faut quand même mesurer l'asile, quoi. Je sais pas. Et d'ailleurs, un autre point, Philippe Poutou, vous savez, le doudingue là, du NPA là, il est conseiller municipal de Bordeaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont élu Philippe Poutou, mais sérieusement, je veux dire, conseiller municipal dans cette ville, quoi. Il y a même dans le conseil municipal, il y a même un antifa. Je crois qu'il est, il est borgne ou alors il est manchot, je ne sais plus. Un mec qui est vraiment un antifa crasseux avec la 8-6 et tout, quoi, qui est au conseil municipal. Ah oui, parce qu'il avait perdu une paluche lors des trucs des gilets jaunes, ouais. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas grave, hein, il se branle de l'autre main. c'est pas grave. Puis il peut toujours couler des 8-6 avec l'autre main. c'est pas grave. Putain, et Bordeaux, c'était une ville classique de droite, Juppé, tout ça. Ça a basculé assez rapidement, comme beaucoup de grandes villes d'ailleurs, dans le TGV, hein. TGV, et les hein. écolos. Hein. La TGV, hein, c'est Paris qui exporte ses bobos. Hein. Ça, c'est radical. Hein. Les colonies de bobos, c'est on se plaint des musulmans. Oh, les musulmans, ils détruisent tout. Ah oui, d'accord, moi je suis d'accord avec ça. Mais les colonies de bobos, je pense qu'une ville repeuplée d'arabes est plus viable à long terme qu'une colonie de bobos. Hein. J'ai une colonie de bobos, là il reste plus rien. Hein. Je veux dire, ils sont capables de faire pousser, si vous voulez, des germes d'armes bactériologiques sous serre simplement en disant oui mais quand même c'est des germes qui ont le droit de vivre, hein. Attention, ils sont fous, hein. Ces gens sont réellement fous, hein. Donc voilà, Bordeaux, ouais. Et dire que ça a été une ville de négriers il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs sous supervision de négriers juifs comme les ancêtres de Tristan Vendès France, hein, dont la famille vendait des noirs en Amérique pour les faire mourir dans les plantations de coton, quoi. Tristan Manès France, donc qui est un antiraciste aujourd'hui. Enfin, payé par l'État, quoi. Oh, en passant, comme ça, c'est bien de le rappeler. Alors, messieurs, rubrique numéro 2, homocidaïsme. C'est bien, ça aussi. Ça, on va parler un peu de sacré. Vous savez, France, fille aînée de l'Église, tout ça. Et, enfin, jadis, quoi, parce que maintenant, ça a changé. Alors, ça c'est une vidéo qui a fait 20 millions de vues en quelques jours sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce qui d'ailleurs fait peur en soi. Hein. Et je vous lis cet article du Parisien, qui n'est pas du tout orienté comme article, vous allez le constater. Voici. Donc c'est une vidéo vue plusieurs millions de fois. Rien que sur le compte TikTok où elle a été initialement postée, elle dénombrait vendredi après-midi plus de 6 millions de vues. On y voit Benjamin Ledig, presque 90 000 abonnés sur TikTok, et Queen Paul, c'est un pseudo, plus de 3 millions d'abonnés, danser en crop top dans une église devant un crucifix. Une vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux. L'église concernée a demandé la suppression de la vidéo, sans succès pour l'heure. Au moins deux vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. La plus vue, postée mercredi par Benjamin Ledig, toujours disponible sur son compte TikTok, montre les deux influenceurs danser devant la croix de Jésus-Christ. Sur le son de « Mec de cité », des rappeurs Sifax et Sofiane. Alors là, je cite « Ce soir, on est à la prier à l'église. Vous vous rappelez de ce son ? Est-il légendé ?» Donc, en fait, ils essayent de parler en français, parce qu'ils sont passés par l'éducation nationale, donc ils essayent. Hein. « Habillé avec un crop top, un haut moulant laissant voir le bas du ventre, les jeunes se déhanchent. Dans une autre vidéo, supprimée depuis, on voit Queen Paul simuler une fellation avec toujours le crucifix en arrière-plan. » Le Parisien a pu se faire confirmer que la vidéo avait été tournée dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans le 6e arrondissement de Paris. Dans un communiqué, le diocèse de Paris a dit l'inutile vulgarité de la vidéo. L'institution a aussi annoncé avoir demandé à l'auteur de supprimer la vidéo dans les 24 heures, se donnant aussi l'occasion d'explorer toutes les possibilités judiciaires permettant de faire cesser l'atteinte aux droits de la paroisse que constitue la captation et la diffusion de cette vidéo sans autorisation. Auprès du Parisien, Benjamin Ledic redit, comme sur TikTok, qu'il refuse de s'excuser. « Depuis 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, des gens dans les commentaires faisaient référence à l'Église pour déplorer ce que je faisais. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne cautionne pas ce que fait l'Église, son homophobie, le fait que le mariage homosexuel ne soit pas accepté, explique-t-il. Mais le jeune homme d'avouer qu'il n'avait pas conscience de cela lorsqu'il a tourné la vidéo, alors qu'il était un peu alcoolisé, dixit. « Je ne regrette rien de ce que j'ai fait », explique-t-il. Cependant, refusant de supprimer la vidéo, il affirme aussi ne pas avoir été contacté par la paroisse. « On voulait rigoler tous les deux, on était seuls, l'église était vide. Au début, il n'y avait pas l'intention de la poster. Ensuite, c'était impossible de penser qu'il y aurait une telle réaction », a-t-il précisé ce vendredi soir dans l'émission TPMP. Hein, donc chez Hanouna, le juif... On m'a souvent fait des remarques parce que j'ai des relations avec des hommes, donc des relations, quoi, on s'entend. Hein. Que je devrais retrouver le droit chemin. Je voulais dénoncer l'homophobie à travers cette vidéo, a-t-il précisé. Mon but n'a jamais été de blesser qui que ce soit. Ben non, hein, a souligné l'influenceur, très ému sur le plateau. Tout cela, ça ne fait pas de moi une méchante personne, a-t-il livré au bord des larmes. Son avocat, lui aussi sur le plateau, a rappelé que le droit au blasphème existait en France. Ben ouais. Ah oui, ça existe. Quant à Queen Paul, il a supprimé sur Instagram toutes ses publications. Sur TikTok, le jeune homme a également effacé la vidéo dans laquelle on le voyait mimer une fellation. Dans un message en anglais, l'influenceur habituellement connu pour ses vidéos de maquillage explique vouloir s'excuser auprès des catholiques que j'ai pu blesser. Les réactions à la publication de ces vidéos ont été rapides, alimentées par la dénonciation de ces gestes par plusieurs influenceurs auprès de leurs millions d'abonnés. Parmi ces réactions, certaines sont véhémentes, violentes et incitent effectivement à la haine. Comme a pu le constater le Parisien, l'adresse et le numéro de téléphone des parents de Benjamin Ledig ont été partagés sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux, ces avocats du cabinet Influxio, spécialisés dans la défense des influenceurs, ont dénoncé un déferlement de haine d'une particulière violence impactant lourdement son quotidien et celui de ses proches. Il n'est pas en mesure de sortir de chez lui sans recevoir insultes et menaces de mort, continue-t-il, expliquant saisir la justice pour chacun de ses faits. Certains, sur les réseaux sociaux, ont fait le parallèle avec Mila, menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Il y a un lien entre nos deux histoires, on se retrouve dans la même situation, estime auprès du Parisien Benjamin Ledig. J'ai reçu des menaces, l'adresse et le numéro de téléphone de mes parents ont fuité, des conversations personnelles ont fuité, déplore-t-il. Le jeune homme a fait une demande pour une protection policière, craignant pour sa vie. Contacté pour savoir pourquoi la vidéo n'avait pas été supprimée malgré de nombreux signalements, TikTok n'avait pas répondu au moment de la publication de cet article, écrit le Parisien. Alors, messieurs, voilà, donc c'est une vidéo qui a fait 20 millions de vues. Hein, 20 millions de vues. En gros, toute la France l'a vue, et même au-delà, avec les réactions qui ont été décrites. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que moi, je ne suis pas sur TikTok, parce que c'est une plateforme que je n'ai jamais pu m'approprier. Je la trouve enfin je trouve que TikTok c'est inutilisable, je la trouve inutilisable, donc je ne suis pas sur cette plateforme, mais c'est pas parce que je suis pas dessus que les autres sont pas dessus, au contraire, ils sont énormément de gens y sont, l'apprécient, la suivent, surtout les très très jeunes. C'est une plateforme qui est focalisée grosso modo hein, sur la vidéo quasi exclusivement, il n'y a pas de texte, pratiquement pas. Et donc cette vidéo a mis le feu aux poudres sur ce réseau. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Donc vous avez tout le fil des événements, hein, l'événement lui-même, la diffusion de la vidéo, le passage chez Hanouna, l'avocat qui intervient, la victimisation des intéressés qui disent qu'en fait ils sont innocents de tout. Voilà, je voulais votre point de vue là-dessus. C'est vrai que l'article, comme il est présenté, les types, ils font une connerie, bon, d'accord. Et a posteriori, finalement, on apprend que limite, les victimes, c'est eux, quoi. Voilà, donc ça, c'est bien sûr les journalistes qui tendent les micros, qui pointent un point de vue très, très biaisé, parce que normalement, les types devraient s'expliquer. Ou au moins se réfugier dans le silence, mais là, ils revendiquent leur acte, et puis ils se font dire, bah, finalement, à la fin, je me fais un peu tirer les oreilles. Bah oui, connard, vu ce que tu viens de faire, normalement, toutes les causes ont des conséquences, quoi. Mais bon, il ne fallait pas attendre grand-chose de la part de ces journaleux du Parisien, donc. Parisien, je ne sais plus. Ah, c'est bien, le Pharisien, c'est bon, ça, comme titre. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, ces deux gogoles là, faudra parler un petit peu après de cette histoire de gogoles qui sont sur TikTok et qui ont des millions d'abonnés, parce qu'en fait TikTok forcément c'est on n'y est pas, mais on loupe pas grand chose, parce que surtout pour les ados, et en fait ça va être une sorte de concurrence au plus trash entre guillemets, mais c'est vraiment du trash, c'est du pipi caca quoi, en fait hein, ouais. C'est vraiment je me montre quoi, c'est un peu, moi ça me fait penser vraiment à Charlie Hebdo, où en fait, les mecs, ils font leur beurre toute leur carrière sur, vous avez vu à quel point on est subversif, parce qu'on fait des dessins où on met une carotte dans le cul au pape, tu vois, c'est hyper subversif, bien sûr, hein, ce qui est évident que depuis des décennies maintenant, hein, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique surpuissante procède à des autodafés, des rafles, et tout ce que vous voulez, l'Inquisition, tout ce que vous voulez, hein, alors que bien sûr, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin depuis un certain moment, qu'ils ont plus beaucoup de pouvoir, quoi. Chose que je regrette à titre personnel, mais en tout cas, c'est une situation qu'il faut relever. Il y a un proverbe africain qui dit que même un chien peut piétiner un lion mort, quoi. C'est le lion mort, ben, c'est l'Église catholique, voilà. Il a plus autant de pouvoir qu'avant. Et Charlie Hebdo fait du beurre là-dessus pendant de très, très nombreuses années, en se présentant comme subversif. C'est de la fausse subversion. C'est ce que font ces deux jeunes cons, d'accord? Parce qu'il n'y a aucun risque. Et là, forcément, ils ont vu qu'il y a quand même une petite donne qui a changé, parce qu'il y en a un des deux qui s'est pris une paire de claques. Ce qui est, c'est le minimum, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, qui n'est pas mentionnée dans l'article, c'est que le type a fait une vidéo après son acte à la con. En fait, il parle à sa mère, je crois, et lui dit, d'un air un peu moqueur, oui, mais puis la prochaine fois, non seulement je ne m'excuse pas, puis en plus, la prochaine fois, je pense faire ça dans une mosquée. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est pris une paire de claques, hein, parce que ah oui, d'accord. J'avais loupé le deuxième volume en fait de l'histoire. C'est bien dommage. Ah ben bah ça a fait un peu de bruit, parce que du coup apparemment il se serait fait violenter par on ne sait pas trop, mais apparemment par des par des banlieusards. Je sais pas ce que ça veut dire banlieusard, c'est sûrement dire banlieue, j'imagine. Mais oui, c'est ça. Mais bon, tout est possible. La fellation dans une mosquée, bon, c'est bien gentil, mais d'ailleurs, il pourra pas rentrer dans la mosquée. Enfin, là, alors là, pour le coup, s'il fait une fellation, enfin, même une mime, là, pour le coup, c'est ce qu'il va subir, lui, c'est une Samuel Paty, hein, ça, c'est garanti, quoi. Ah bah oui, le mec risque la mort, hein, complètement, hein, ça, c'est certain, quoi. Ah oui, donc, c'est peut-être aussi pour ça que les musulmans, ils ont peut-être joué la carte. J'ai vu que Bassem avait fait circuler un truc du genre, bon, il s'était indigné, et puis il avait dit, bah ok, coco, essaye de faire ça dans une mosquée, tu vas voir. Donc, peut-être qu'il s'est pris des claques en mode, c'est bien, c'est par avance, quoi, voilà. Ces fiottes-là, bon, déjà, on a affaire à l'insolence absolument délirante des fiottes. Parce que ces gens-là, donc les homosexuels organisés là, dans leur réseau LGBT, ces gens-là, en fait, effectivement, ils sont venus à bout de la seule force sociale qui s'oppose à eux, qui était l'Église catholique. On en a bien parlé, je ne vais pas y revenir. Et ils ont adopté toute leur législation pro-fiottes. Mariage des tatas, loi anti-discrimination, etc. Ils sont constamment en train de faire du lobbying. Les PD sont partout dans le système politique. Ils sont à l'Assemblée. Enfin, il n'y a que des fiottes à l'Assemblée, dans les médias, les trucs. Ils sont partout. Et ces mecs-là, médiatiquement, ils édictent les arrêts de vie et de mort contre tous ceux qui ne tolèrent pas leurs vices. Et puis... le problème, c'est que le peuplement de la France change. Et ils étaient très contents, parce qu'ils disaient « Ah, on va se débarrasser des sales blancs, cathos, fachos », parce que c'est ça, les fiottes. Et là, ils sont en train de se bouffer le Moyen-Âge islamique. Ou au mieux, l'Afrique chrétienne. Bon, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne, l'Afrique chrétienne. Hein. Qui ne sont pas spécialement portés sous la tolérance homosexuelle. C'est pas tellement leur canne, effectivement. Donc là, tout d'un coup, il y a une espèce de petite prise de conscience que la sociologie française a changé. On n'est plus en train de se foutre de la gueule de la droite réac qui aime pas les PD. Et ces fiottes insolentes sont en train d'en prendre toute la mesure. Moi, je vous dis, dans 10 ans, ces mecs-là, ils oseront même plus faire de parade homosexuelle dans les rues de Paris. Ils risqueront des attentats. Vraiment, je veux dire, et les flics ne pourront pas gérer le truc, parce qu'il y aura trop de musulmans, ça sera impossible. Alors évidemment, ils en font ça dans Paris Centre, là, intramuros, c'est tout le truc, machin, mais ça sera fort à la mot, leur machin. Je veux dire, dès qu'ils passeront périphérique, ils risqueront leur vie. C'est ça la réalité. Donc, toute leur insolence médiatique, ou en passant par les tribunaux, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des types qui te provoquent derrière une rangée de flics, derrière une rangée de magistrats, une rangée de journalistes. Et il te provoque constamment. Un de ces quatre, c'est un peu ce que traduit cet épisode, un de ces quatre, ils vont recevoir le prix de leur médaille, ces gens. Parce qu'à force de provoquer les gens, ils vont recevoir ce qu'ils méritent. Donc là, les deux cocos, là ils provoquaient les chrétiens. Bon, c'est clairement pas les rombières pro-Bergoglio qui ont réagi. Mais... sur les réseaux sociaux, il faut voir un truc. Parce que ça, c'est un nouveau sentiment qui émerge, qui est beaucoup lié à l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sentiment communautaire qui apparaît. Donc, c'est pas que les Arabes aiment les chrétiens, attention. Mais il y a cette idée que on ne peut pas toucher à la religion. Les musulmans sont très clairs là-dessus, hein. Et plus on descend en âge, plus on va vers les jeunes, plus les jeunes sont intransigeants chez les musulmans sur cette question. Et en fait, les musulmans, je pense qu'ils ont réagi assez violemment, alors parce que l'autre a dit « la prochaine fois, ce sera dans une mosquée », mais aussi parce que ils sentent que ça pourrait leur arriver. Parce qu'il y a un climat et que les fiottes étant ce qu'ils sont, parce qu'il faut quand même voir ce que sont les fiottes ne s'arrêtent pas, ce sont des gens hystériques. Les fiottes sont hystériques comme des femmes. Ils ne s'arrêtent jamais. Donc les fiottes s'arrêteront face à l'État islamique. C'est comme ça que ça va se passer. Bah, voilà. En fait, c'est comme Charlie Hebdo d'ailleurs. Ouais. Et donc pendant des décennies, ils font leur beurre pour « on va attaquer Robert parce qu'il va à la messe et qui se fout de la gueule des beaufs et du pape ». Et puis un jour, toc toc, mais toc toc, c'est pas les croisés qui arrivent, hein. C'est, c'est les frères Kouachi, et puis ils sont pas tendres, hein. Et puis ils ont des choses à dire, et puis ça se passe mal. C'est pas la même sociologie, c'est pas le même âge, c'est pas la même virulence, c'est pas les mêmes mœurs, et voilà. Et donc ils apprennent ça à la dure, et voilà, et je suis désolé de le dire, mais... bon, je suis pas désolé, hein, en fait, hein, mais comment dire... quand on se fait craindre, on se fait respecter. Et comme les catholiques ont intégré, pour ce qui concerne le catholicisme, comme ils ont intégré, en fait, leur qualité de paillasson dans cette république juive, bah, en fait, ils répondaient jamais. D'ailleurs, c'est ce que font les cardinaux en permanence, hein, les évêques, ils disaient, oui, non, mais nous sommes ouverts, machin. Donc à chaque fois que tu avais une provocation de l'extrême gauche ou de Gwyn complètement folle, genre les filles, mais oui... des trucs sans aucune énergie, aucune virilité, les autres disaient, putain, c'est un encouragement à en faire le double la prochaine fois, quoi. Et c'est ce qui se passait. Depuis que les musulmans, avec Charlie Hebdo, ont dit, bon là, voyez, là, vos conneries, là, ça suffit maintenant. Tu vois, puis, tu sais, les musulmans, c'est pas des intellectuels, hein, ils passent pas par des tribunes, des pétitions, machin, tu vois, c'est un peu plus, c'est plus travaux pratiques, déjà. Là, bizarrement, il y a un nouveau climat qui est apparu en France où quelque part, on dit, ah tiens, il faudra peut-être qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on dit sur les autres, tu vois. Et quelque part, ben, la notion de respect, elle est en train de revenir. La notion de respect, elle est en train de revenir. Alors, ça vient par les musulmans, c'est un fait, mais ça revient. Il est possible, Gandalf, hein, que ce soit, parce qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus, que ce soit vraiment, c'est possible, hein, c'est une piste, hein, des chrétiens africains qui leur ont mis une paire de claques. Hein. Ah non, bon, le type en question, il s'est mis en scène parce qu'il a le nez qui saigne, et puis ça va, il n'est pas mort, il n'a pas le visage en confiture non plus. Quoi. Il s'est pris 2-3 pains, et puis l'autre, je crois qu'il n'a rien. C'est quand même pas... Ouais, non, mais de toute façon, écoutez, cette histoire-là, c'est du flan. Parce que, en fait, la question qui est posée, c'est la question du sacré. Qu'est-ce qui est sacré ? Alors, t'as l'avocat machin qui dit, non, mais on a le droit de blasphémer. Bon, d'abord, c'est pas un blasphème, il se rend dans un lieu de culte pour le profaner, parlons français. Donc, c'est une profanation. C'est une profanation. D'accord ? Il suffit d'imaginer ce qui se passerait si ce coco-là, il s'était pointé dans une synagogue pour faire la même chose. Est-ce que vous croyez... Ah, il ne pourrait pas rentrer parce qu'il y a des soldats là, qui gardent. C'est vrai, je te l'accorde, c'est vrai. Il y a l'armée française qui protège les synagogues à la différence des églises, c'est un fait. Mais vous avez déjà une idée que le traitement médiatique du Parisien, par exemple, aurait été sensiblement différent. Hein. On a dit, oui... Voilà, hein, ça n'aurait pas du tout été pareil. Mais imaginons encore mieux, le musée de l'Holocauste. Bon, il n'y a pas de musée de l'Holocauste, mais c'est le mémorial, machin. Imaginez ça, voilà. L'autre, peut-être à la liste, je sais pas quoi, des noms des gazés imaginaires avec du bégon là. c'est ça. Non, tu rigoles. Mais non, parce que c'est ça. Gazés avec des granules. Il faudra qu'on m'explique, hein, comment ça marche. Le cercle de l'amitié des pyjamas bon. Rayés de Varsovie, je crois. Que non, mais bon, voilà. Bon, imagine-le en train de faire son numéro là, en train de mimer une fellation devant ce truc-là. C'est quoi la réaction ? C'est « Ah oui, non, écoutez, hein, voilà, en République, on a le droit à la satire, machin. » Non, t'as la LICRA, t'as le CRIF, t'as l'ambassade d'Israël, t'as le ministre de l'Intérieur et des cultes par la force des... quoi, mais comment, mes trucs, etc. Et c'est un déferlement de haine. BFM ouais, TV, On l'a vérifié. On l'a vérifié quand Soral a fait sa quenelle au mémorial de Berlin. Ah oui, en plus c'était en Allemagne, t'imagines, c'est même pas en France en plus. Ouais, voilà. Il a été condamné. Hein. Voilà, donc dans sa ouais, incitation à la haine, etc. Donc, il y a du sacré, il y a une interdiction du blasphème, mais ça dépend pour qui. Donc en France, c'est les juifs, très clairement. Donc faut pas la peine de faire ça, de pas comprendre. Donc on a le droit de le faire sur les catholiques. Sur les musulmans, en fait, il y aurait plutôt un assentiment de la classe politico-médiatique sous contrôle juif, mais pas trop parce que. Les musulmans étant particulièrement sensibles à ce genre de choses, pour la paix sociale, il y aurait une pédale douce, en mauvais jeu de mots, qui serait mise sur ce genre de happening. Mais voilà, en fait, entre guillemets, la religion des blancs, je dis ça avec... c'est pas au sens littéral, mais en gros, la religion des petits blancs, on peut y aller, quoi. C'est bon. Voilà, donc c'est tout ce numéro de faux cul qui est insupportable. Et ces fiottes-là l'ont pris en pleine tête. Et comme tu l'as très bien dit, hein, je veux dire, vu le nombre d'Africains qu'il y a en France maintenant, de Noirs d'Afrique qui sont des chrétiens et qui ne sont pas du tout tentés par ce genre de truc-là, je ne serais pas étonné, effectivement, que tu aies des gangs de nègres qui disent, enfin, qui le croisent et qui disent, toi, on va te faire la peau, quoi. Ça nous change des chaisières de Bergoglio, hein, moi, je veux dire, bon, écoutez, hein. On nous dit qu'il faut de l'immigration, bah on en a, bah voilà. Si par hasard, une fois de temps en temps, ça a des effets vertueux, bon, bah moi je les prends, hein. De toute façon, comme on doit prendre les effets négatifs, qu'on n'a pas le choix, autant prendre aussi les effets vertueux s'il y en a, après tout. Il y a bien Boko Haram en France, on peut très bien aussi avoir la version chrétienne de Boko Haram. Ah ouais, non, mais. Bah, au Nigeria d'ailleurs, tu sais, t'as Boko Haram, mais Boko Haram fait face à un groupe religieux radical chrétien. Je crois que j'ai oublié le nom. Je crois que c'est l'armée de Dieu, un truc comme ça. Ah oui, ils sont allumés. Alors, ils sont bien allumés. Oh là là. Ah, ils rigolent pas. Par bien des aspects, ils sont plus radicaux que Boko Haram, en fait. C'est pas piqué. Ouais, c'est des protestants avec des machettes. Ils vont les chercher, en fait. Hein. Ils attendent pas les attentats, ils vont les chercher. Ah, voilà, ouais. Ils font des kidnappings et puis ils règlent leur compte. Voilà. C'est du christianisme un peu ce qu'on pouvait voir durant la guerre de 30 ans, un peu, tu vois, genre, tu vois, au 16e siècle, quoi. Attends, un truc assez. Là aussi, très très beau pratique, quoi. Non, mais voilà, non, mais c'est. Mais on voit une inflexion parce que il y a 15 ans, il n'y aurait jamais eu la chasse au PD comme on a vu là. Parce qu'ils auraient profané. Au contraire, c'est-à-dire que ça aurait été un applaudissement général. Tout le monde aurait, enfin toute la classe politique, politico-médiatique, oh, génial. Même les femmes. Moi, je vous dis, les femmes là, j'espère qu'elles en profitent parce que ça ne va plus durer. Le climat a totalement changé et je m'en félicite. Je m'en félicite. C'est pas que je suis un adepte, mais il faut respecter. Les lieux de culte, il faut respecter les comment dirais-je les gens qui ont une foi, voilà, c'est leur vie intérieure, c'est leur lieu à eux, ils pratiquent, ça ne doit pas être traîné dans la merde par des fiottes. Et remarquez à quel point, enfin, c'est caricatural, mais regardez ces gens-là, vous croyez que c'est des gens normaux, ça? Vous voyez des hétérosexuels comme ça se mettre en scène dans des lieux de culte, il y a vraiment que les fiottes pour faire ça, quoi. C'est pas des gens dérangés qui font ça, tiens. Il y a que les fiottes qui vont dans des lieux de culte pour expliquer qu'ils avalent du foutre. C'est des fous, hein, c'est des fous. Au sens clinique du terme. Hein. Ben oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'était le mois dernier, je pense. Il y avait en France une loi qui est passée pour l'interdiction des thérapies de conversion. Je crois que ça se proposait comme ça le titre. Ouais. Donc en fait, c'est des religieux de peu importe la confession d'ailleurs. Généralement, c'est des chrétiens bien sûr qui vont s'adresser à des homosexuels pour leur faire changer leur orientation. Ce qui est louable, hein, je veux dire en soi. Ok. Et en fait, ça s'interdit maintenant parce que vous rendez compte, discrimination. Est-ce que l'inverse est interdit? Ah, ça n'a pas été dit à l'Assemblée nationale, ça. J'aimerais savoir, est-ce que des fiottes qui militent pour promouvoir l'homosexualité, le LGBTisme, donc inviter les hétérosexuels à devenir des homosexuels, est-ce que ça, c'est illégal parce que c'est de la discrimination? Oui ou non? Probablement que ces gens-là font ce qu'ils veulent, parce que, petite parenthèse, hein, c'est aussi pour ça que... Moi, quand j'étais ado, j'étais un peu beaucoup même gauchiste, mais Charlie Hebdo, Flux Glacial, ça m'a jamais fait marrer. Parce que tout de suite, j'ai capté que ces gens ne pouvaient pas être drôles parce qu'ils ne sont pas subversifs. Il n'y a pas de risque. Ça ne peut pas être comique. C'est la même chose avec le lobby des fiottes, là. Ils se disent, vous avez vu à quel point les subversifs, à quel point on prend des risques. Il n'y en a pas, d'accord? Là, la donne a un peu changé. Donc, on ne peut pas comme ça se positionner politiquement parlant sur une contre-réaction s'il n'y a pas de risque en face. Donc, pour revenir à ces sortes de, je fais la parenthèse, ces sortes de thérapie de conversion, donc c'est interdit. C'est en fait le même mois, c'était interdit au Canada, maintenant c'est interdit en France. Thérapie de conversion, donc ça c'est un titre qui met dessus pour dire à quel point finalement les religieux chrétiens sont des bonhommes absolument abominables qui essaient en gros de forcer la sexualité des gens. En fait, ça porte un autre nom aussi, hein, c'est thérapie de conversion, c'est simplement prêcher l'évangile en fait. Hein. Tu vois quelqu'un qui est dans le péché, donc en l'occurrence c'est l'homosexualité. Normalement, si tu es cohérent par rapport à ta foi, c'est ce que le Christ a fait en fait. Hein. Il s'adresse aux pécheurs et puis il essaie de leur mettre leur péché en face du nez pour qu'ils changent, qu'ils se convertissent et qu'ils sauvent leur âme. C'est c'est prêcher l'évangile. Maintenant, voilà, ça, prêcher l'évangile est interdit. Voilà, on peut plus. Ça, c'est pas un scoop en République, hein, je veux dire. Mais je dis l'inverse n'est pas vrai. Hein. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a un encouragement à transformer les hétérosexuels en fiottes. C'est permanent, ça, on le voit, la propagande est partout. Ils vont même dans les écoles maintenant, c'est détraqué. Parce que, comme on l'a vu en début d'article, en fait, ces gens-là n'ont pas de limite. C'est une guerre. C'est une guerre à mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je ne vais pas faire à chaque fois dans l'émission une parenthèse sur les tradis que vous voulez. Quand je parle de l'Église catholique, là, on va parler de la grande masse, c'est-à-dire les modernistes. Ils ont abdiqué, d'accord ? Ça n'existe plus. La plupart sont des vieux, ils ont quasiment tourné la page, quoi. C'est vraiment une coquille vide. Et donc, quand on a ça comme ennemi en face, c'est facile de bomber le torse, d'accord ? Et c'est complètement anachronique de dire regardez à quel point on nous persécute. D'ailleurs, c'est ce que ces types disent dans l'article. Finalement, on reçoit des persécutions. Il y en a marre que l'Église catholique persécute les homosexuels, le mariage gay, etc. Donc c'est complètement aberrant. C'est vraiment de tronquer la réalité, la tordre. Et ils vont pas s'arrêter. Alors que maintenant, on a un Bergoglio qui a tout ratifié. Sur l'immigration, l'homosexualité, le vaccin, le climat, tout, tout, tout. Il a tout signé. Hein. Et en fait, c'est pas assez. Ces gens-là sont encore dans la guerre. Tant qu'il n'y aura pas un pape communiste, noir, transgenre, ce que vous voulez, ils vont continuer. Et même quand ils l'auront... Ça suffira même pas, hein, je veux dire. Oui, voilà, ils trouvent toujours un truc, en fait. Dans les églises, si tu veux, à la place du crucifix, ils veulent voir un God, point barre, je veux dire, et un drapeau LGBT, c'est tout. Voilà, c'est franchement, on a affaire à des dingues et maximalistes. Et ces mecs-là, tant qu'ils ne seront pas recadrés, ils ne s'arrêteront pas. Et c'est ça le caractère hystérique des fiottes, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Tu vois ? Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris, parce que eux qui voulaient, parce que c'était ça, ACT UP et compagnie, hein, c'était ouais, Le Pen, facho. Et tout. Ouais, ces gens-là voulaient de l'immigration, voulaient de la diversité, ils trouvaient ça cool, ils trouvaient ça génial. Eh ben, ils vont en bouffer maintenant, parce que là, ils sont servis. Hein. Macron en a fait venir 2 millions en 5 ans, là, supplémentaires, et ces mecs-là, croyez-moi bien, vu les gueules patibulaires qui sont les leurs, hein, patibulaires mais presque, comme disait Coluche, vu la gueule de ces clients-là, il va y avoir du dialogue interculturel, ça c'est garanti. Hein. Et sur la question de l'homosexualité, ça va être assez difficile, à mon avis, à manager. Donc, qui s'éclate bien, ils ont, aujourd'hui, je leur donne encore 10 ans, une bonne dizaine d'années, voilà. Faire leur petite parade de PD, leur petite provocation, derrière leur rangée de CRS, leur rangée de magistrats, leur rangée de journalistes, provoquer tout le monde, comme ils savent faire, là, voilà, ouais, encore une bonne dizaine d'années, et après, ça sera une autre musique. Ça sera une autre musique. Et là, on va rigoler. Je viens d'avoir une idée fulgurante, mais pourquoi on ne mettrait pas des bornes aux couleurs arc-en-ciel pour appeler, signaler en cas d'agression sur des homos? C'est pas mal, ça, des bornes. Mais ça va arriver. D'ailleurs, c'est mentionné, Urmi, qu'il a dit, quel que soit le genre. Ah, faut lire entre les lignes. Hein. Ah, ouais. Le genre, bon, le truc, ça va rien dire. C'est-à-dire, quel que soit le sexe, c'est-à-dire que homme ou femme. Oui, bon, un mec hétérosexuel ne va pas se faire agresser par d'autres mecs, on est d'accord. Je crois qu'il faisait référence aux hommes qui mettent des jupes et qui se font tripoter le cul par des arabes. Oui, puisque de toute façon, ça ne concerne que le harcèlement sexuel. Donc si tu te fais suriner parce qu'on essaye de te voler ton portable, c'est là, tu ne dois pas appeler. Ouais, c'est bien pointé, ça. Non, il ne faut pas appeler, monsieur, ici, là. Qu'est-ce que vous faites ? Saturez la ligne. Saturez la ligne, monsieur, là. Bon, écoutez, 135 euros d'amende, hein, je suis désolé, mais... T'as un tournevis dans la nuque, c'est... à l'aide, tu vois. Non, mais c'est... Bon, toute façon, c'est pandémonium, hein, les grandes villes françaises. Donc, bon, ceux qui persistent à vouloir vivre là-dedans, bon, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, mais moi, j'en reviens un petit peu à mon truc. Essayez quand même de déménager parce que. Ah ouais, non. Puis surtout si vous avez une occasion un jour de partir, je sais que des fois il y a des gens qui sont coincés dans des situations, mais s'il y a jamais eu une opportunité, putain saisissez-la, hein. Vous ne posez pas 36 000 questions. Ouais, ouais, non. Puis quand t'as des maires comme Urmic, Éric Piolle et tout, Puis en plus, même eux, ils sont sous la pression de leur aile radicale, parce que j'ai vu que Piolle, par exemple, parce qu'on a, pour nous, Piolle, c'est un gauchiste... fini à la pisse, tout ce qu'il y a de plus magnifique, quoi. Mais il faut savoir que pour la gauche radicale, ce mec est un mec de droite. Aussi taré que ça paraît. Pour eux, c'est une espèce de traître, quoi. C'est un mec qui fait de l'agitation culturelle, mais c'est pas sérieux. Et pour eux, c'est pas un pur, quoi. Donc imaginez que c'est une spirale. Vers le pire, qui... En fait, au bout d'un moment, ces villes-là, à force de, ça va se transformer en État islamique. C'est comme ça que ça va finir. C'est-à-dire que il faut que ça soit marron, marron, marron, marron. Il faut que ça vienne de bled de plus en plus lointain, à tel point qu'ils vont bientôt, ils vont se plaindre qu'il y a des Algériens qui viennent parce que c'est pas assez marron, que c'est pas assez sauvage. Puis quand ça finira avec que des Somaliens, des trucs. Ça sera techniquement écologiste, hein, et en pratique, ça sera le califat, quoi. Voilà, c'est ça qui attend ces villes-là, donc restez pas là-dedans, hein. Investissez pas dans la pierre dans des villes comme ça. Sauf peut-être dans l'hypercentre, je sais pas, sous la bonne garde de la milice de la bourgeoisie radicalisée macroniste, mais sinon, je sais pas, quoi. Enfin bon, bref. Voilà donc pour les fiottes. Ayons une pensée pour Mike Pence, qui avait une théorie intéressante pour soigner ce mal homosexuel. Ah bah, précise, oui, c'est... Ah bah, il voulait des petits coups de jus, tu vois, des petits coups de jus. Ah, Mike Pence, oui, c'est vrai, mais il n'a pas appliqué, il a déçu. Malheureusement. Il a déçu. Alors, rubrique numéro 3, messieurs, c'est la pute à boum de la semaine. Alors, ça, c'est les petits moments, en fait... L'article, en fait, il n'appelle pas des commentaires, ok. Mais j'ai envie que nos auditeurs passent un bon moment, qu'ils se détendent, qu'ils se disent que, voilà, la vie au quotidien, c'est pas toujours facile, on a beaucoup de pression, mais qu'il y a quand même des petits rayons de soleil dans notre vie, et qu'il faut savoir apprécier à leur juste valeur, voilà, sans faux semblant, voilà, il faut accepter comme ça ces petits moments de légèreté, ces petits moments de jovialité, hein. Et ben ça c'en est une, c'est un de ces rayons de soleil là, donc je voulais le partager avec vous. Si vous voulez rajouter un petit commentaire, moi je dirais pas non, hein, mais voilà. Alors ça c'est le petitbleu.fr, le média qui cite ça. L'article est bien d'ailleurs, il est bien écrit, c'est rare, hein, de nos jours dans la presse, je trouve, la qualité des articles baisse formidablement. Celui-là est bien écrit. Alors, un homme a été interpellé vendredi au petit matin à la Réole par les gendarmes. Il est au cœur de l'enquête concernant la mort d'une jeune mère de 3 enfants, poignardée à 8 reprises. Un coup porté au niveau du flanc a été fatal à la Marmandaise. Hein, on est à Marmande. L'enquête confiée aux gendarmes, notamment ceux de la section de recherche concernant le meurtre de Laura, une jeune mère de 3 enfants survenue à Marmande dans la nuit de mercredi à jeudi, a enregistré une avancée significative, notamment grâce aux résultats de l'exploitation des bandes de vidéosurveillance d'une banque située à quelques mètres et les témoignages de nombreux protagonistes. Ce vendredi matin, un homme a été interpellé chez des amis à la Réole, Gironde. Donc. Âgé de 41 ans, il a été transféré à Marmande et placé immédiatement en garde à vue. Une information confirmée ce vendredi soir par Manuela Garnier, procureur de la République d'Agen, lors d'une conférence de presse. Ce scénario funeste s'est déroulé en quelques minutes au cours de cette nuit de mercredi à jeudi. 23 minutes se sont écoulées entre le retour de la victime à son domicile, accompagnée d'un homme, et le moment où elle s'est effondrée devant la porte de sa voisine. L'arrivée rapide des secours, notamment des pompiers de Marmande, n'a pas permis de la réanimer. le corps de la trentenaire portait les stigmates d'une agression. Une enquête de flagrance a été immédiatement ouverte et qui a permis de remonter un à un les contours de cette soirée dramatique. Les constatations réalisées par les gendarmes ont permis d'établir que l'agression de la victime a eu lieu à l'intérieur de son domicile. Elle est sortie de son domicile pour s'enfuir ou chercher de l'aide et qu'elle s'est écroulée morte après avoir parcouru quelques mètres, explique la procureure de la République. L'autopsie également a apporté des éléments précis sur la nature des blessures fatales. La victime a reçu 8 coups de couteau au niveau de la face, du crâne, des cervicales, des membres supérieurs et du flanc gauche du torse. Un compte-rendu du médecin légiste qui laisse peu de place au doute quant à l'acharnement de l'agresseur. Le coup mortel est celui porté au niveau du flanc gauche. La lame du couteau a été enfoncée jusqu'à la garde sur une profondeur de 17 cm. Elle a traversé le diaphragme, le lobe inférieur du poumon et la veine cave intérieure. Une première interpellation avait été opérée rapidement par les enquêteurs, celle d'un homme âgé de 31 ans qui a raccompagné la victime à son domicile après avoir passé la soirée avec elle et avoir une relation sexuelle. Son témoignage a permis d'apporter d'autres précisions et d'orienter les recherches vers un autre protagoniste de la soirée, un homme de 41 ans, de nationalité marocaine, dont Laura avait fait la connaissance depuis le début de cette année sur les réseaux sociaux et avec qui elle avait eu des relations sexuelles. La soirée a débuté au domicile de la victime avant de se poursuivre à Tonnin. Là, la mère de famille quitte les lieux avec le trentenaire. Le quadragénaire, donc le Marocain, visiblement alcoolisé, s'endort sur place. Il ralliera ensuite Tonnin, Marmande en stop. Arrivé au domicile de Laura, il constate son absence et fait le rapprochement, ne cachant pas sa jalousie. Il y pénètre par une fenêtre restée ouverte jusqu'à son retour où tout bascule. Tout d'abord, il veut s'en prendre à son ami. Ce dernier s'échappe, assurant qu'elle était encore en vie lors de son départ. Lors de sa garde à vue, il a confirmé qu'il avait consommé une grosse quantité d'alcool. La victime criait, il a voulu la faire taire, a-t-il expliqué durant son interrogatoire. Il a contesté en revanche toute intention d'homicide. Cet homme domicilié à Bordeaux a récupéré le couteau dans une autre pièce et a porté, selon ses déclarations, 3 à 4 coups. Après avoir récupéré son sac à dos, il est parti, constatant que Laura n'était plus dans l'appartement. Les images vidéo montrent la direction dans laquelle il est parti, souligne la procureure. La téléphonie également a été exploitée par les enquêteurs. Pour la procureure de la République, compte tenu du nombre de coups, de leur violence et de l'endroit où ils ont été portés, l'intention d'homicide paraît en l'état caractérisé. Ça montre une forme d'acharnement, dit-elle. Ce vendredi soir, une reconstitution dans le cadre de la garde à vue pourrait se dérouler dans la pénombre de cette rue Gillet. Et si les conditions de luminosité météorologique ne le permettent pas, il ne fait pas de doute que cela se déroulera dans le cadre de la commission rogatoire. Une information judiciaire du chef de meurtre par personne agissant en état d'ivresse manifeste sera ouverte ce samedi. Le suspect sera déféré devant le magistrat de permanence en vue de sa mise en examen. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il sera placé en détention provisoire. Avec cette qualification des faits, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, alors, ça c'était le petit moment jovialité, hein. Moi je voulais partager ça avec vous. Voilà, hein, je disais, ça c'est pas forcément nécessaire de commenter. Mais enfin, voilà. Bah, elle a pas eu le temps d'appeler ou quoi? Utiliser la borne. Il n'y avait pas de borne. Il n'y avait pas de borne. Pas de réseau. Il n'y avait pas de borne. Et voilà. Je sais pas. Est-ce que si on avait élargi les trottoirs, rue Gillet, ça aurait... Je ne sais pas. Non, la question est posée. Mais bon, voilà. Hein, voilà. Donc Laura, mère de 3 enfants, responsable, hein, là aussi à la hauteur de sa tâche, consciente de ses responsabilités, donc zonnait sur les réseaux sociaux, elle se faisait bourriquer par des Marocains, voilà, et ben elle a subi une maroquinade en bonne espoir. C'est pas là, c'est tout. Hein, un moment très gaulien, quelque part, qui nous rappelle un peu la libération de l'Italie par les troupes du général de Gaulle, hein, voilà. Voilà pour tous les patriotards de merde. Voilà, c'est un moment très, très, très armé d'Afrique. Très armé d'Afrique, voilà, libérer la France des blonds. Voilà, bah écoute, Laura a été libérée. Des objections dans la salle? Un couteau, hein, d'ailleurs, hein. Toujours le rapport entre les arabes et les couteaux. Hein. Arabe couteau. 17 cm quand même. Hein. Pouh, putain, on n'est pas loin du cimetière, là, 17 cm. Du cimetière au cimetière, il n'y a qu'un viol. Hein. Tu vois, on n'en est jamais très loin. Et voilà. Bon, voilà. Bon, Laura, Laura. Bah, Laura n'est plus là. C'est comme ça. Et ça rime. Voilà. Je sais pas. Marlène Schiappa, une réaction. J'en ai pas entendu parler. Peut-être qu'il y en a eu, je sais pas. Voilà. Peut-être que si Laura avait une femme obéissante qui était restée avec son homme tranquillement à la maison, hein, plutôt que de faire chier le monde, je sais pas. Je laisse à nos auditeurs le soin de méditer sur cette affaire. Mais en tout cas, encore une fois, hein, les femmes libérées et la diversité, ça fait des étincelles. Voilà. Pas de commentaires particulier, rien de spécial. Non, d'accord. Rubrique numéro 4, le Shabbat Goy de la semaine. Alors, Shabbat Goy, oui, mais ça lui a pas porté bonheur. C'est Jean-Luc Brunel. Alors, c'est l'affaire Epstein, suite. Donc, Epstein, que vous connaissez, homme très influent, puissant, d'origine juive aux États-Unis, qui était à la tête d'un réseau de prostitution de jeunes filles, généralement mineures, pour les membres de la haute société, avec des clients comme Clinton, le prince Andrew, donc de la famille régnante en Angleterre, etc., etc., enfin toute l'oligarchie occidentale. Et on a su aussi par la suite que Epstein était en lien avec des gens très influents du Mossad, etc., et il y avait l'idée derrière tout ça de compromettre toute une série de personnes influentes en ayant en fait des vidéos, des trucs, etc., pour les faire chanter, pour obtenir des renseignements, etc. Bon, vous imaginez tout ça. Donc Epstein était un homme très important. Lorsque le scandale a éclaté, il a été placé en état d'arrestation dans l'état de New York. On l'a envoyé en détention dans une des prisons donc, de cet état. Et il est mort dans sa cellule, dans des circonstances évidemment extrêmement douteuses, puisque les caméras de surveillance ne marchaient pas. On a prétendu que les gardes... Donc il y a eu falsification par les gardes, des horaires, etc., dans les carnets de surveillance, pour les rondes notamment, présence de codétenus, etc. Bon, clairement, il y a eu un assassinat. Tout ça ensuite a été maquillé. Et il y avait une autre femme qui était dans le lot, c'était la juive Ghislaine Maxwell, en fait, qui était une mère maquerelle, qui aidait Epstein à la tête de ce réseau, hein, qui en fait fournissait en chair fraîche, dont le père lui-même, donc d'origine juive, était mort dans des circonstances extrêmement troubles. Bon, il était mort assassiné sur son yacht, dans une suite de règlements de compte d'ailleurs, avec des financiers juifs, bon bref. Tout ça est toujours un peu le même marigot, en fait, de financiers juifs new-yorkais, avec des règlements de compte très très très sales. Bon, je passe. Ça nous amènerait trop loin. Et il restait un homme, qui lui n'est pas juif, hein, c'est Brunel, qui était à la tête, en fait, d'agences de mannequins, et qui fournissait, en fait, en Anna Epstein. Hein. Et c'était un témoin clé du dossier Epstein, puisqu'on était là au cœur de cet énorme réseau de prostitution au cœur de la haute société. Quoi. Et cet homme était en détention à la prison de la santé. Et là, on a appris qu'il est mort, suicidé là aussi, décidément, il y a des redondances. Alors, Ghislaine Maxwell a été condamnée à 30 ans de tôle, hein, plus de 30 ans de tôle, ce qui veut dire qu'elle restera derrière les barreaux toute sa vie, si jamais elle reste en vie, hein, on va voir. Hein. Mais voilà. Alors, je lis l'article de BFM. Donc, Jean-Luc Brunel, impliqué dans l'affaire Epstein, a été retrouvé mort ce samedi dans sa cellule de la prison de la santé à Paris. Selon nos informations, il s'est pendu. Il était mis en examen et écroué pour plusieurs viols sur mineurs présumés. L'ancien agent de mannequin Jean-Luc Brunel, impliqué donc dans l'affaire, il s'est mort en détention. Selon les informations de BFM TV, l'homme qui était incarcéré à la prison de la santé à Paris s'est pendu dans la nuit de vendredi à samedi. Le parquet de Paris a confirmé auprès de l'AFP que cet homme mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs avait été retrouvé mort et a indiqué qu'une enquête en recherche des causes de la mort avait été ouverte, confiée au 3e district de la police judiciaire. Accusé de viol par plusieurs anciens top modèles, ce qu'il contestait, le septuagénaire avait été mis en examen fin juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Il avait été mis en examen en décembre 2020 pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Il avait en outre été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour les faits de traite d'êtres humains aggravés au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle. Sa mort signifie l'extinction de l'action publique dans ce dossier, sauf si d'autres personnes devaient être mises en cause. Son nom était cité dans une enquête aux États-Unis sur le scandale sexuel impliquant Jeffrey Epstein, également retrouvé mort dans sa cellule en août 2019. Jean-Luc Brunel avait été interpellé en décembre 2020 à l'aéroport de Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar et avait été incarcéré suite à sa mise en examen. Jean-Luc Brunel avait été libéré sous contrôle judiciaire l'espace de quelques jours en novembre dernier avant d'être remis en détention sur décision de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Il avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Financier milliardaire Jeffrey Epstein avait été inculpé en juillet 2019 aux États-Unis pour avoir organisé entre 2002 et 2005, en réalité c'est au-delà, hein, un réseau de jeunes filles qu'il aurait exploité sexuellement. Le parquet de Paris, alerté par l'existence potentielle de mineures françaises parmi les victimes de Jeffrey Epstein, avait ouvert une enquête préliminaire en août 2019. Une enquête avait été déposée 2 mois plus tard contre Jean-Luc Brunel pour des faits de harcèlement sexuel qui n'était pas prescrit, contrairement à plusieurs accusations contre lui. Selon des sources concordantes, l'Office central de la répression des violences à la personne, en charge de l'enquête, avait réalisé plus d'un demi-millier d'auditions. Bon, c'était un dossier extrêmement lourd, mais vous avez compris que c'est le grand nettoyage. Est-ce que vous voulez réagir à ce suicide opportun qui fait suite à celui de Epstein dans sa cellule? Et voilà, est-ce que vous voudriez en dire quelque chose éventuellement? Ben, la première chose, c'est que ce gars était tellement sûr de son coup qu'il s'est fait gauler par la police française. Alors je ne sais pas si c'est en voulant quitter le territoire ou en revenant, mais ça donne déjà une grande idée du niveau de corruption de l'intégralité du système. Bon, il est clair que c'est une affaire qui est totalement internationale, puisqu'en fait nous avons des gens qui meurent suicidés dans des prisons un petit peu partout en France et à l'étranger. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que la famille de la nana qui s'est pris 30 ans, je comprends pourquoi elle s'inquiète un peu. Ouais, la fille Maxwell, dont le père a été retrouvé mort hein, dans les mêmes circonstances sur son yacht. Hein, je veux dire, voilà, il y avait un règlement de compte en fait entre juifs, en fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la suffisance de ces gens qui sont absolument persuadés d'être au-dessus de tout, mais de tout. Mais ce qui est le cas. Enfin, Brunel non, parce qu'en fait, Brunel, dans ce système-là, en fait, c'était simplement un rabatteur de nana. Il ne jouait pas un rôle, je veux dire, c'était pas un décideur, c'était pas quelqu'un comme Epstein. Lui, c'était un comparse de Epstein. Il était dans le monde de la mode, donc il avait accès, en gros, à la chair fraîche. Il était spécialisé dans la traite des blanches, donc il fournissait les nanas, mais ce n'était pas quelqu'un qui était en charge, j'allais dire, de l'exploitation de ce qui pouvait, j'allais dire, de politique, des scandales potentiels qu'on pouvait en retirer. Alors qu'Epstein, c'était son rôle. Le rôle d'Epstein, c'était de mettre en place un système de piégeage de personnes influentes pour ensuite en retirer des bénéfices, en retirer des renseignements, voilà. Alors que Brunel est vraiment, a plutôt le profil du second couteau, indispensable, mais second couteau, mais qui a vu des trucs, qui a vu beaucoup de choses, qui a beaucoup d'informations, et qui était vraiment ce qu'on appelle un témoin très très gênant, voilà. Mais, donc c'était pas quelqu'un qui était influent, mais quelqu'un qui était gênant, et il a fallu le liquider. Celui qui était vraiment très, très, très, très gênant, c'était Epstein lui-même. Et là, bon, les Juifs ont clairement pas fait de détails. Hein. Ils ont dit bon là, voilà, hein, il faut se débarrasser du corps religionnaire, quoi. Fallait pas le laisser parler. D'ailleurs, Gandalf, il y a une chose dont on n'entend absolument plus parler, mais vraiment plus. Ce sont les résultats définitifs des différentes perquisitions dans l'île de Epstein, qui était complètement sous contrôle vidéo, son, tout le bazar, et dans d'autres maisons qui appartenaient à Epstein et à son groupe financier, où comme par hasard, bon, ça a fait le buzz pendant 2 mois, ça a fait le buzz, mais on n'a aucun résultat concret de ce qu'ils ont trouvé. Hein. C'est complètement enterré. Bah, j'ai vu que tu peux toujours attendre. J'ai vu que là, récemment, ils ont mis la main, il y a des enquêteurs qui ont réussi à mettre la main sur 20 000 documents photos récupérés chez Epstein, parce que tu as un énorme boulot de nettoyage qui est fait, hein, des équipes pour protéger les Clinton. Parce que là, on parle des Clinton, notamment. Hein. Donc, Bill Clinton, c'est un habitué, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est un habitué de... Donc, il y avait Air Lolita, hein, ce qu'on appelait Air Lolita. Donc, en fait, c'était des bordels volants. Parce que, bon, c'est un dossier énorme, en fait. Mais il avait des bordels volants. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de témoins. Vous partez d'un aéroport A à l'aéroport B. Il y a des nénettes à bord. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de témoins. On ne peut pas y accéder par aucun bord. On ne peut pas surprendre quelqu'un, je veux dire, pendant le vol. Hein, je veux dire, on ne peut pas ouvrir la porte et rentrer dans la salle. Ça n'existe pas. Et quand on atterrit, bon, bah voilà, personne n'a rien vu. Et Air Lolita, il y a toute une série de personnes qui ont circulé sur ce vol, et on sait que Bill Clinton avait ses habitudes là-dessus. Enfin, Bill Clinton, c'est rien à prouver. Bon, lui, il avait carrément l'affaire Levinsky sur les bras. Je veux dire, bon, c'était quelqu'un qui... Bon, plutôt sur la bite, je crois. Oui, enfin, oui, c'est ça. Mais enfin, c'était quelqu'un qui, bon, on sait qu'il consommait énormément ce genre de gonzesses. Mais là, ils étaient spécialisés dans les filles mineures. Alors, j'entends parler de pédophilie. Alors, il n'y a pas de pédophilie caractérisée, c'est-à-dire des enfants, je veux dire. Alors, on pourra toujours discuter, oui, mais des gonzesses de 14, 15 ans, certes. Mais ce n'est pas des enfants, je veux dire, de 3 ans, 4 ans, etc. Je veux dire. Mais on est sur des mineurs, des Lolitas, et c'était la spécialité d'Epstein, quoi. Et c'est ça qui est très, très vicieux, je crois, dans cette espèce de piège organisé. C'est qu'en fait, c'est suffisamment illégal pour mettre les mecs vraiment en difficulté. C'est-à-dire que t'es pris avec une nana mineure, là, au plan de la loi, t'es vraiment mal. Mais c'est pas de la pédophilie caractérisée, donc t'es quand même pas dans des trucs vraiment, vraiment trash qui peuvent susciter assez rapidement l'intérêt de gens extérieurs. Donc en fait, c'est un peu des gens, une espèce de zone de tolérance. Si vous me passez le jeu de mots, où en fait tout le monde le sait, mais les mecs se disent bon voilà, les nanas elles ont 16 ans, mais bon, dans 2 ans après elles en ont 18, elles sont adultes, bon, ouais, est-ce que c'est si grave et tout, voilà. Et tout le monde fait un peu semblant de pas comprendre, pas voir, pas trop s'intéresser. Alors que si ça avait été vraiment de la pédophilie organisée, ce qui a pu exister, mais à mon avis c'était un niveau de secret beaucoup plus important, là pour le coup c'est difficile de C'est beaucoup plus difficile de cacher les choses, quoi. Parce que généralement, la pédophilie, ça se traduit par l'élimination des gamins. Hein, je veux dire, c'est clair. Hein, élimination après utilisation. Hein. C'est clair. Alors que les nanas de 16 ans, on peut toujours dire, ouais, mais elles étaient ivres, elles m'a allumé, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Et là, en fait, donc il y avait vraiment des gens influents. Et je sais pas si vous avez su. Donc, ils ont récupéré du matériel. Bon, vous voyez, donc, lutte d'influence, allez savoir quoi qu'est-ce. Et là, récemment, c'est le prince Andrew, qui a fini par se faire poisser, parce qu'en fait, c'était connu depuis des années et des années, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. C'est pas des secrets. Le prince Andrew est un habitué de ce genre de truc. Tout le monde le sait depuis 30 ans. Simplement, la presse ne voulait pas aller voir. Il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas de trucs. Mais c'était pas un secret, je veux dire. Et là, il s'est fait poisser, et il a négocié avec une nana qui l'accusait de viol, il a négocié un deal en Floride, je crois que c'est sous juridiction de la justice de Floride, il a négocié un deal à plusieurs millions de dollars, qui permet en fait de clore l'affaire, moyennant dédommagement. C'est récent, hein, c'est, ça a quelques jours, cette affaire-là, le prince Andrew, qui est impliqué dans l'affaire Epstein, qui était un habitué, qui était un client d'Epstein. Alors, imaginez ça, parce que la famille royale d'Angleterre, c'est pas rien, c'est le frère du futur roi régnant en théorie, hein, le prince Charles, c'est le frère du prince Charles, c'est des gens qui ont accès à des secrets d'État, quoi qu'on en pense. Bon, des types comme ça qui sont dans impliqués dans des histoires de bordel comme ça, vous imaginez bien que des types comme Epstein, ils avaient de quoi les faire parler, ces mecs. Au besoin, quoi. Voilà, et donc, mais des gens comme ça, des gens comme le prince Andrew, ils sont intouchables, il faut bien comprendre. Même complètement poissés, complètement gaulés, cramés, archi-grillés, tricard totalement, ils iront jamais derrière les barreaux. C'est impossible. Impossible. Voilà. Et donc, j'en termine, je vous redonne la parole, mais ça, c'est les mecs, ça, c'est les gens, c'est les clients dont on a eu vent. Mais il y a d'autres gars dont on n'a jamais entendu parler, qui sont complètement impliqués. Et, en fait, les témoins gênants sont déjà morts, en fait. Soit les filles ont été exécutées, certains clients ont été éliminés. Enfin, le nettoyage, il a cours depuis plusieurs années, ça continue. Et Brunel, qui devait avoir une liste de noms, une liste d'endroits, de lieux, de trucs. Bon. Parce que je crois qu'il arrive, il avait 76 ans, me semble-t-il. C'est le genre de mec qui devait se dire, bon, j'ai plus que quelques années à vivre, maintenant je vais vider mon sac, parce que je veux pas tomber tout seul. Bon, des gens comme ça sont dangereux, donc on dit, bon, là, le mec, là, on va le plomber, quoi. Enfin, moi, c'est mon interprétation, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Si lui, il prend 10 années de tôle, il sait que, ben voilà, il va finir sa vie en tôle, quoi. C'est pas comme si t'as 20 ans, que tu prends 10 ans, c'est pas le même délire. Exactement. Bon, et là, on le sait, hein, Epstein, on sait par exemple que c'était quelqu'un à New York, il était à Manhattan, il rencontrait régulièrement Ehud Barak, qui était l'ancien chef de l'armée israélienne et tout. Bon, c'était des mecs qui. Clairement, Ehud Barak, quand il arrivait là-bas, c'était pour demander des renseignements sur ce qui, par rapport à Israël, aux États-Unis, s'il y avait. Tel ou tel dirigeant politique qui avait une idée en tête par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, voilà. Enfin, et ça, c'est juste un truc, parce que bon, ça concernait toute une série de deals. Quand vous avez des informations comme ça sur des gens, mais je pense que c'est même pas du chantage. C'est pas nécessairement du chantage, en fait. C'est simplement que quand vous organisez un lieu où vous faites venir des types influents dans un bordel à Lolita. Le macro, avec le client, il se comporte comme un pote. Vous voyez ? Et en tant que pote de bordel, se crée une espèce de relation de proximité très importante, et les mecs arrivent à savoir des tas de trucs. Parce qu'on aurait tendance à penser que c'est par le chantage, la coercition, que ces mecs-là faisaient chanter tel ou tel. Ça devait arriver, mais je pense que la plupart du temps, ils obtenaient des informations simplement par confidence, par proximité, par mise sur écoute, en mettant des nanas dans les plumards, etc. Enfin, ça se faisait beaucoup comme ça, beaucoup par du bruit, c'est-à-dire entendre parler d'eux, etc. Et voilà. Et un mec comme Epstein, il avait dû accumuler un nombre d'informations personnelles sur tous ces types qui devaient être hallucinants. Je veux dire, c'est un mec. Enfin, c'est le genre de dossier, vous voyez, que des services de renseignement voudraient absolument avoir en leur possession pour s'en servir ensuite contre les mêmes mecs. Parce qu'en fait, Epstein, ce qu'il a fait, c'est ce que font les services de renseignement à longueur de temps. Hein. Donc, je pense que les dossiers d'Epstein, c'est pas pour les détruire, c'est pour les récupérer et faire chanter d'autres mecs. Quoi. Voilà, je pense. Mais là, avec l'histoire de Clinton, là, c'était évident que ça terminerait en bain de sang parce que. Je veux dire, les Clinton sont connus pour vraiment flinguer tout le monde. Quoi. La presse française a une discrétion extrême, alors que Ghislaine Maxwell, donc la compagne rabatteuse de Jeffrey Epstein, avait effectivement été de père français ou de mère française, je ne sais plus. Elle avait un lien fort avec la France, elle avait grandi en France, je crois. Mais dont le procès Maxwell se déroulait là, justement. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi comme déclaration autour de ce qui se passait non seulement dans l'avion Lolita Express, mais aussi sur l'île que possédait Epstein, qu'on appelait l'île du diable, avec Lin Wood, l'avocat de Trump, qui avait dit qu'il y avait un temple avec des cultes sataniques sur l'île et avec des chambres d'accouchement pour les femmes. Il a écrit ça, hein, je dis pas. C'est vrai que c'est quelqu'un d'un peu spécial, Lin Wood, donc je ne sais pas s'il avait tous les éléments quand il a dit ça, mais en tout cas, il est difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Bah, il y avait le temple existait puisqu'il a été photographié. On a vu des trucs quand même bizarres avec des peintures de Clinton en travelot. C'est-à-dire que... Oui, Bill Gates aussi, excusez-moi, j'ai eu un problème technique, mais je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, mais Bill Gates a pris aussi régulièrement le Lolita Express. Et Donald Trump, dans une conversation publique hein, qui avait été filmée, on lui a demandé ce qu'il pensait de Bill Clinton, il a dit « Je pense que c'est un gars bien, un gentil garçon, un nice guy, mais il aura beaucoup de problèmes avec l'île de Jeffrey Epstein. Voilà. » Bon. Bah, il n'a pas eu tellement de problèmes parce qu'en fait, tout le monde a été nettoyé. En fait, hein. Sauf Ghislaine Maxwell qui est toujours en vie. Donc. Ouais, ça, faut voir pourquoi, comment, qu'est-ce, mais... Peut-être parce qu'elle n'a pas décidé de parler, mais ils étaient trois. Hein. Il y avait Maxwell, Epstein et Brunel. Et c'était leur job, quoi. Ils étaient copains. C'était leur boulot, quoi. Il y a plein de photos perso qui circulent. Vous pouvez les voir sur le net. Hein. Vous les voyez dans des villas, dans des trucs. Ils sont cul et chemise, quoi. Ils font des... Bon, y en a deux qui sont morts pendus dans leur cellule, quoi. Oui, ça peut arriver à des gens très très très très haut placés. Hein. Il faut se souvenir aussi qu'en France, on a vu un premier ministre en exercice il y a plein de 30 ans qui était mort, suicidé entre guillemets, qui était Bérégovoy. Bon, en fait, apparemment, il y avait eu plusieurs balles qui avaient été tirées, alors prises avec l'arme de son garde du corps. Donc c'était très curieux comme suicide. On dit oui, mais il avait une dépression en fait. Il y a aussi quelque chose qu'il avait fait à l'Assemblée, c'est qu'il avait montré une image, une photographie qui avait été examinée ensuite au microscope. On n'avait pas eu le fin mot de l'histoire, mais dans laquelle il avait dit que un certain nombre de députés, y compris des gens de son camp, hein, avaient trempé dans des histoires louches et qu'il avait des documents là-dessus. Et il l'a montré. Et curieusement, il est décédé, suicidé très peu de temps après. Bon, comme c'est curieux. Ouais, et pourtant, il était Premier ministre. Hein. C'était Mitterrand. Mitterrand avait l'habitude de faire assassiner ses opposants politiques. Hein, je veux dire. Tout à fait, ouais. Enfin, de Gaulle en tout aussi, cas, ça n'a pas pu se faire. Même si Mitterrand n'était pas à l'origine, il a laissé faire ou participé à organiser, puisque forcément, sinon... Si ça avait été fait sans son aval, sinon il aurait déclenché une enquête spécifique pour savoir qui l'avait fait, etc. Mais non, non, il l'a jamais fait. En gros, les gars, méfiez-vous toujours de vos héritiers et de vos amis à qui vous confiez des documents. D'ailleurs, nous en avons un parfait exemple avec le professeur Forisson, qui avait dit « le jour où je meurs, mes héritiers produiront des documents avec une déclaration fracassante et on n'en a jamais entendu parler. » Bah oui, ouais. Ben messieurs, il y a le, comment dirais-je, un peu dans le même genre, c'était cette semaine au Canada, alors il y a tout le toute la situation au Canada, le blocage du Canada par les routiers, donc là qui a pris fin. Intéressant d'ailleurs la riposte du système canadien à la pression énorme qui s'est abattue sur eux, parce qu'on peut dire que ça avait quand même été une sale semaine, 15 jours qui ont été très difficiles pour le système covidiste en fait, enfin hein, pour Davos et pour les gens de Klaus Schwab, Soros et compagnie. Puisque Trudeau, leur poulain, a été mis sous une pression intense avec le blocage d'Ottawa, le blocage des frontières par les routiers, le point de départ étant l'obligation de tests à l'entrée du pays, etc., ce qui a été contesté par les routiers, notamment américains, parce qu'aux États-Unis, il y a un sentiment pro-liberté beaucoup plus puissant qu'en Europe, et ça a pris la tournure qu'on a vue. Et Trudeau a au départ été très hésitant, il n'a pas su trop comment réagir, parce que jusque-là, pour lui, ça se déroulait plutôt bien, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposition. De la même façon en Nouvelle-Zélande et en Australie, pareillement en France avec Macron. Et bon, il a reçu un gros coup de pression de Biden, il faut le voir. Hein, ça a été bien rapporté par la presse, c'est-à-dire que Biden a téléphoné à Trudeau en lui disant « Bon, tu vas me faire le plaisir de mettre un terme à tout ça parce que sinon... on va reprendre les choses en main directement. » Alors bon, quand les États-Unis disent quelque chose au Canada, le Canada n'a pas d'autre choix que d'obéir. C'est pas que Trudeau traînait des pieds, mais enfin, ils savaient pas comment s'y prendre. Donc là, ils ont pris des mesures très coercitives, c'est-à-dire qu'ils ont déployé la police, ils ont sollicité la justice, ils ont sollicité les banques, comme j'ai dit en début d'émission, pour geler les fonds des manifestants, des opposants, des organisateurs de l'opposition. Donc là, on est vraiment dans quelque chose. C'est assez marrant, parce que là, avec les tensions avec la Russie, c'est typiquement le type de truc qu'on reproche habituellement au régime autoritaire, notamment à la Russie. Encore que j'ai jamais entendu parler de ça en Russie, enfin que la Russie aurait demandé aux banques. Je dis pas qu'elle le fait pas, mais ça n'a jamais été médiatisé dans les médias occidentaux, quoi, pour le dénoncer. Donc c'est peut-être même pas le genre de méthode qu'ils utilisent en Russie. Ils sont peut-être un peu plus old school dans leur répression, je ne sais pas. Mais là, ils l'ont fait, et c'est passé crème. C'est-à-dire que vous n'avez aucun défenseur des droits de l'homme qui se met comment, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce pays bizarre, l'opposition politique est asphyxiée financièrement. Enfin, il n'y a rien eu, quoi. Je veux dire, toute la presse de gauche, la presse progressiste, les droits de l'hommiste... Tous ces trucs-là, ça s'évapore, ils n'existent nulle part. Donc on voit bien que tout ça est un théâtre, que dès que le pouvoir en place penche du bon côté, il n'y a plus d'histoire de droit individuel, d'état de droit, de que sais-je. Là, c'est carte blanche, vous pouvez réprimer à bloc. Comme Macron avait les gilets jaunes, personne n'a bronché, je veux dire, dans la presse organisée. Ces gens-là applaudissaient, en fait, des deux mains entre eux, la répression, et c'est pareil au Canada. Et alors, il y a un épisode intéressant qui résume bien le sujet dont je voulais parler dans l'émission. C'est une question qui a été posée au Parlement canadien par un député canadien. Donc, c'est pas un député d'extrême droite. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'extrême droite au Parlement canadien, ça n'existe pas. Mais il y a un député qui a voulu poser la question du lien entre Trudeau et Klaus Schwab, et le Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Puisque Klaus Schwab s'était vanté publiquement à Harvard d'infiltrer, je cite Schwab, les gouvernements occidentaux, et il avait dit face caméra qu'il avait le contrôle de plus de la moitié du gouvernement canadien, par les ministres. Donc c'est pas du tout une théorie conspirationniste, c'est filmé, Schwab revendique, très fier de lui, on infiltre les gouvernements, les gens qu'on a formés à Davos sont en train de prendre le pouvoir, et au Canada, avec le Premier ministre Trudeau, là c'est encore plus manifeste, plus de la moitié des ministres sont dans notre poche. Il parle comme ça, hein. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, president of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic right. Forum. Et donc, il y a un député canadien qui dit, voilà, il y a un de mes électeurs qui me pose la question, qui veut que je vous pose la question au Parlement, quel est l'état des rapports entre le Premier ministre, le gouvernement canadien et Klaus Schwab et le Forum économique mondial de Davos, puisque M. Schwab revendique le fait d'infiltrer nos gouvernements. Et là... comment dire, on a la réaction du président de la Chambre des communes, donc l'équivalent de l'Assemblée, qui intervient et qui dit « Le son est très mauvais, alors qu'on entend parfaitement bien, la vidéo est très mauvaise, Question suivante. Et il y a un député de Trudeau qui dit c'est de la désinformation, en gros c'est du conspirationnisme, c'est du fake news quoi. Alors que c'est un document filmé de Klaus Schwab. Je veux dire, c'est pas du tout une théorie quoi. Questions and commentaires, questions and comments. The honorable member for Oshawa. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to my colleague's speech. I had a constituent that wanted me to ask a question about outside interference to our democracy. Klaus Schwab is the head of the World Economic Forum, and he bragged how his subversive WEF, World Economic Forum, has, quoted, infiltrated governments around the world. He said that his organization had penetrated more than half of Canada's cabinet. And I was wondering, in the interest of transparency, could the member please name which cabinet ministers are on board with the WEF's agenda? My concern is the deputy. Order. I know the member was in a really good question there, but the audio is really, really bad, and the video is really, really bad as well. And I apologize. I don't know if the member. Okay, let's try again. The honorable member for Timmins James Bay. Promoting open disinformation. That's not debate. We have to call out disinformation. We're getting into debate again. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'en fait Klaus Schwab revendique son truc. Il est pas très discret, d'ailleurs il est pas très malin. Il y a une lourdeur hein, chez lui. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui aime bien se vanter. Il est très vantard. Il aime bien jouer les importants. J'ai tel un tel dans ma poche, etc. Alors c'est très bien en fait quand tout se passe bien. Mais quand tout commence à aller mal, il y a des proximités dérangeantes en fait. Et cette vidéo témoigne de ça. Et là, ce qu'on voit à l'Assemblée canadienne, c'est que en fait, les politiciens canadiens, et ça c'est typique hein, des politiciens démocrates, ils revendiquent pas le truc. C'est-à-dire qu'ils commencent tous à détaler comme des rats. Ils disent c'est pas vrai, on ne sait pas de quoi vous parlez, c'est faux, c'est mensonger. D'où vous sortez ça, c'est complotiste, etc. C'est-à-dire que c'est la dénégation. Donc ça traduit quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de revendiquer leur proximité avec Schwab. Ils sont en train de la nier. Or, si vous la niez, c'est que vous la niez sous la pression. Et pour moi, ça traduit un climat aujourd'hui dans les gouvernements occidentaux qui est un climat de peur. Ils sentent que le peuple refuse de suivre, que le scénario qu'ils ont prévu ne se met pas en place comme il devrait se mettre en place, que la résistance, elle est là, elle s'enquiste. Comme ces gens, comme les politiciens démocrates en général, ne sont pas très courageux, eux, ils veulent bien suivre tant que ça marche. Et dès que ça commence à caler, et qu'on leur dit, mais vous, au fait, là, qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Le mec, il dit, je sais pas de quoi vous parlez, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, c'est toujours la même chose, hein, c'est pas vu, pas pris, pris, pendu, quoi. Et pour moi, c'est assez révélateur, et à mon avis, Trudeau est mal. Il est très mal. Alors, il peut dire, je suis passé en force, mais à mon avis, il est très mal, parce que là, l'opposition, elle est formée, quoi, voilà. Et ce qui est intéressant, et je vous donne la parole, hein, c'est comme on est dans un système global, quand un de leurs gouvernements a de gros problèmes, les autres gouvernements regardent. Et ils deviennent méfiants. Parce qu'ils se disent, attention, ce qui arrive au Canada, ça peut arriver ici, si on commet un impair, si on s'y prend mal, si on va trop vite. C'est... Donc ça suscite ça suscite le doute chez eux. Et à mon avis, actuellement, là, ils sont dans une phase de doute assez importante. La situation au Canada a beaucoup contribué à les faire caler. Pour le moment, hein, pour le moment, parce que ensuite, l'agenda reste le même. Évidemment. C'est-à-dire que c'est pas le fruit d'une humeur, hein. Leur programme est dû à une pression intense au niveau financier. Ils savent que les États occidentaux sont ruinés, qu'il faut des mesures radicales, donc ils le savent. Mais là, ils voient que ça cale, ça devient difficile, et je pense qu'ils vont réfléchir à une manière de contourner l'obstacle. C'est mon sentiment. Mais indubitablement, ils doutent beaucoup de d'eux-mêmes. Oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a un prétendu, enfin, oui, comment dire, un relâchement des mesures, mais qui semble provisoire ou temporaire. En tout cas, il ne faut pas crier victoire trop vite. À la faveur d'un variant très médiatisé ou que sais-je encore, il y aurait la possibilité de tout refermer. Pour ce qui est du Canada aussi, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais donc le Canada est donc une structure fédérale avec des anglophones, des francophones, etc., puis avec des provinces et des gouverneurs qui ont un droit de décision assez important, et notamment l'Ontario avait décidé de retirer le pass sanitaire, je crois. Donc ça veut dire que Trudeau se trouve en porte-à-faux non seulement avec une partie de sa population qui est en train de manifester, donc des camionneurs, des routiers qui ont une capacité de nuisance importante et qui sont massivement soutenus par la population, ce qui est intéressant. Et puis également, des gouverneurs aussi qui disent bah ouais, ce serait peut-être bien maintenant d'en finir avec ces restrictions-là. Donc. Il y a le contrôle de l'information aussi qui est intéressant, c'est de voir comment, de manière soviétique, la mort du professeur Montagnier a été occultée. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun média qui l'a rapporté quand même. Donc, prix Nobel de médecine français, il n'y a quand même pas beaucoup de prix Nobel français. Donc, quand un prix Nobel français disparaît, il faudrait qu'il soit mentionné. Là, il y a eu un silence total, qui ne peut être que le fruit d'une orchestration. Il y a un contrôle total sur l'information, peu importe ce que disent les journalistes, qui adorent prétendre l'inverse, dire qu'ils ne sont pas censurés, qu'ils ne sont pas contrôlés, que c'est impossible, que ce n'est pas faisable, que c'est une vue de l'esprit de gens qui croient qu'il y a une force invisible qui contrôle tout. Bah là, c'est la preuve que oui. Il n'y a pas eu une seule rédaction d'un grand média français, média national ou régional, pour mentionner la disparition d'un prix Nobel de médecine français. Et je veux dire, la France ne croule pas sous les prix Nobel au point d'ignorer la disparition de l'un d'entre eux. Il est d'usage, lorsqu'un prix Nobel de médecine ou un prix Nobel d'autre chose disparaît, de mentionner sa disparition. Il y a au moins une recension nécrologique qui explique au public la disparition de la personne en question. Rien. Macron n'a pas rendu hommage à la disparition du prix Nobel en question. Alors pourquoi ? Pourquoi ce silence organisé, orchestré sur ordre du ministère de la Propagande ? Bah, tout simplement parce que le prix Nobel de médecine, auréolé de son prestige scientifique, qui était donc le professeur Montagnier, avait remis en cause point par point tout le discours covidiste dès le départ. Cet homme était un caillou dans la chaussure du discours covidiste. Et le parti, quand il a édicté sa ligne, on ne peut pas le contester. Donc les gens qui ont l'impression de vivre dans un pays libre, où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est du flan, c'est faux. C'est faux au Canada, c'est faux en France. Oui, c'est vrai, à la marge, il laisse les gens aboyer. Mais dans l'information dure, au cœur du système, tout est contrôlé sur le modèle soviétique. C'est la même chose. Donc, vous n'avez pas le droit de parler de toute une série de sujets, ou mal. Quand on tolère marginalement, on en parle mal, c'est-à-dire qu'il noie le poisson, il désinforme, etc. Ou là, avec le professeur Montagnier, parce que le professeur Montagnier, c'est tellement sensible. Là, c'est carrément la censure pure et dure. C'est-à-dire, c'est même pas... on en parle, mais on le salope. Voyez ? Là, c'est carrément, faut pas en parler. Faut pas le mentionner. Le type n'existe pas. Il est effacé. C'est comme en Union soviétique, quand Staline faisait modifier les photographies, quand il avait fait éliminer des anciens collaborateurs qui étaient devenus gênants. On refait les photographies, et comment dirais-je, il y a des types qui disparaissent complètement. C'est de ce niveau-là. C'est en France, en 2022. Voilà, professeur Montagnier, quel professeur Montagnier ? Ça n'existe pas, il n'existe pas cet homme-là, de quoi vous parlez ? Voilà, c'est ça, c'est la propagande française. Les types viennent te dire qu'on est dans un pays totalement libre, la presse peut dire ce qu'elle veut. C'est faux, c'est archi faux. Là, tout est contrôlé. Tout est contrôlé par la classe dirigeante, absolument tout. Les débats sont contrôlés, les sujets sont interdits, les tribunaux interdisent de parler de toute une série de questions. Ils ont des cellules de propagande pour attaquer ceux qui posent des questions qui dérangent. Donc c'est tout leurs pseudo-fact-checkers qui sont des propagandistes, c'est le nouveau nom des propagandistes, qui sont financés pour faire ça, c'est ce truc-là. Donc le professeur Montagnier, on n'a même pas parlé de lui. Et au Canada, bah, quand il y a un député qui pose une question, les micros ne marchent plus. Je veux dire, moi je ne sais pas, mais pour moi, c'est du niveau de l'Union soviétique en 1983, quoi. C'est oui, ça. Et alors que... Excuse-moi de te couper, mais... Donc il y a une Pravda, comme tu l'as bien expliqué, des sujets dont on a le droit de parler, mais dans ce cas-là avec une ligne officielle. Si on déroge, si on s'écarte de la ligne, on est hérétique quasiment. Enfin, on est psychiatrique, on est dans le camp des fous. Et voilà. Donc les seules possibilités de rendre hommage à Montagnier, ça a été même pas sur YouTube parce que c'est quasiment censuré. Si à la rigueur, il y a peut-être Berkoff a fait une émission sur Sud Radio avec Raoul qui a parlé un peu, mais c'était quand même assez rapide. Ils n'ont pas parlé de tous les sujets. Il y a une assez belle émission qui est une émission de débat d'ailleurs, puisqu'on nous accuse on accuse les anti-vaccins entre guillemets d'être des sectaristes, hein, des fous. Et il y a une belle émission de débat là qui rendait également hommage au professeur Montagnier sur l'info en question, là, dirigée par Jean-Jacques Crèvecoeur, où il y avait le professeur Perron qui est intervenu. Donc lui est très pro-vaccin en général, à l'exception de ses injections Covid-19. Il y avait des médecins qui étaient plus radicaux contre la vaccination. Certains disaient tiens, Montagnier il disait ceci, Montagnier disait cela. C'était une émission comme on aimerait en voir sur le service public, mais le service public aujourd'hui, c'est la ligne du parti et la ligne in fine de Klaus Schwab, hein, finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et comment dire, c'est marrant parce qu'on arrive quand même à des niveaux. Pour moi, on est dans une phase totalitaire. On est dans une phase totalitaire. Avant, on pouvait se dire, oh non, mais c'est quand même un peu. Non, là, c'est vraiment. Les morts sont effacés parce qu'ils gênent la ligne du parti. Les questions sont interdites dans les parlements. Les micros marchent pas. Je parle même pas de la propagande qu'on voit au quotidien. Le contrôle des gens. Tiens, mais on est dans une phase de mise en place d'un système complètement. C'est un décalque du système soviétique. C'est la soviétisation de la société. Je vois pas comment on ne peut pas le voir, quoi. Enfin, quand on arrive à ne même plus parler, si vous voulez, de la mort de figures publiques aussi. Surtout que Montagnier, il participait, il était au cœur, j'allais dire, du débat jusqu'au quelques jours avant sa disparition, d'accord. Donc, il était constamment dans les débats publics sur le Covid, etc. Et d'ailleurs, les médecins officiels l'ont même dénoncé, je veux dire. Donc, c'était pas quelqu'un qui était complètement invisibilisé. Au contraire, quelques semaines avant sa disparition, il était en Italie, dans une manifestation, pour apporter son soutien en disant « Voilà, la vaccination, il faut refuser, etc. » Et donc, c'était quelqu'un qui était très visible. Et là, rien. Le néant. Et là, ça traduit des consignes, quoi. Mais plus que des consignes, c'est un mode d'organisation. Ce qu'ils ont fait au professeur Montagnier, ils vont le faire à d'autres, sur d'autres sujets. C'est-à-dire que ces méthodes-là, ils vont les appliquer à d'autres. Ce que Trudeau a fait aux truckers, là, aux camionneurs, aux routiers, il ne faut pas croire qu'ils vont les mettre de côté en disant « Bon, on s'en est servi une fois, on oublie, maintenant on passe à autre chose. » Non, non, non. Ça va être le mode d'organisation dorénavant. C'est-à-dire qu'ils vont dire... d'ailleurs, Trudeau, la manière dont il a agi, c'est très révélateur. Il a dit, oui, ceux qui sont anti-vax, ils sont misogynes. Ils sont racistes. Ils sont antisémites. Il y a certainement des anti-vax, effectivement, comme moi, par exemple, qui sont antisémites. Oui, c'est tout à fait possible. Mais de dire que tous les antivax, par définition, sont antisémites, misogynes, racistes, c'est complètement con. Tu vois, c'est complètement con. Bon. Mais, il faut bien comprendre que cette sortie-là, c'est la conviction du système. C'est-à-dire que ça va être l'acte d'accusation. Et ils vont créer un système cohérent comme ça. C'est-à-dire que si t'es antivax, t'es un fasciste. Bon, fasciste, c'est un mot valise, tu mets tout ce que tu veux derrière ça, quoi. Donc, si t'es un fasciste, t'es un misogyne. Et en fait, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils adoptent cette stratégie-là? L'idée, c'est de mobiliser... C'est, d'abord, leur principale méthodologie, c'est de diviser la société en catégories. Ils saucissonnent la société en catégories modulables à merci. Donc, ils mettent... c'est pour ça qu'ils créent tous ces trucs LGBT, tous ces machins, etc. Ils créent des catégories médiatiques. Par l'usage de la technologie médiatique, ils créent des catégories. Quand ils ont ces catégories entre les mains, ils s'en servent comme des touches de piano. Une catégorie, une touche de piano. Et ils jouent leur symphonie comme ça. Et ce qu'a fait Trudeau, cette espèce de saloperie là, c'est une vraie saloperie ce type. Ce qu'il a fait, c'est il avait une opposition des routiers. Il a appuyé sur toutes les touches en même temps. Il a dit, ah vous avez vu, ils sont cons, ils sont... En fait, ils défendaient leurs droits, les routiers. Ah vous avez vu, c'est pas simplement des antivax. Ils sont contre vous, les PD. Ah, ils sont contre vous, les femmes. Ah, ils sont contre vous, les noirs. Voilà, hop, il joue sur son piano. C'est du cynisme pur. C'est pas parce qu'il aime les noirs qu'il aime les femmes. C'est du cynisme politicien pur. C'est la méthode d'organisation du système. C'est à ça que ça sert, tout leur truc multiculturaliste. Ça sert à créer des catégories qu'ils peuvent mobiliser à l'envi en leur désignant un ennemi. C'est pour ça que le wokisme et tout ça, ils le nourrissent. Le wokisme, pour s'arrêter 3 secondes là-dessus, puis vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein, mais le wokisme, ça vient pas des bas-fonds de l'ultra-gauche, je ne sais où, dans des villes françaises. Ça vient des universités américaines qui sont contrôlées par les juifs, qui sont financées à coups de milliards de dollars, d'accord ? Par les plus grands groupes américains. C'est le cœur du pouvoir américain, les universités américaines. C'est pas des marges sociales, les universités américaines. C'est le cœur du pouvoir. C'est de là que ça vient, le wokisme. C'est jamais venu du ghetto noir américain. Les gangsters noirs américains, ils n'en ont rien à branler, des théories. Ils n'en ont rien à foutre. Rien, ça ne les intéresse pas. Quand ça débarque sur les campus français, c'est le travail de subversion qui est opéré par la CIA, par le département d'État, ça vient des États-Unis. Et ça sert à restructurer la société en catégories qui sont mobilisables par ces intérêts-là. C'est totalement cohérent comme organisation de la société. Et ça n'a rien à voir avec une espèce de réaction organique. Tous les ahuris qui sont en train de reprendre des slogans woke, machin, c'est des débiles. C'est des débiles. Ils répètent des slogans qu'on leur a foutus dans la bouche. Ils ne savent même pas d'où ça sort. C'est des crétins. Et c'est ce qu'a fait le père Trudeau. Le père Trudeau, en fait, il a sorti son prêche woke pour essayer de foutre sur le dos de tous les routiers qui le paralysaient. Tous les lobotomisés, quoi. Voilà. Macron, il ne le fait pas parce que le travail n'a pas été aussi avancé en France, en fait. Ça va venir, hein, mais... Je veux dire, Macron aurait rêvé, face aux Gilets jaunes, de leur foutre une gay pride sur le dos. C'est ce qu'ils auraient aimé faire, quoi. Vraiment. Tu vois, tu fais une manifestation parce que l'oligarchie t'étouffe d'impôts. Leur réaction, je te fous une gay pride sur le dos et je te traite d'homophobe. C'est la stratégie du système. Enfin, c'est ça, on est là-dedans. Je pense que pas mal de gens commencent à capter comment ça marche, mais voilà quoi. Voilà. Ah, il n'en a pas eu besoin parce que d'abord il a eu l'extrême gauche à la place du PD et ensuite le Covid qui est arrivé au bon moment. Oui, c'est vrai. Trudeau, lui, il a utilisé la carte, mais ils vont... Après, il y a le réchauffement climatique et tout. Hein. Là, ça va arriver aussi. Ça. En Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand même hallucinant. Ils ont calé... elle n'est pas ministre, mais elle est quasiment ministre, c'est secrétaire d'État, aux affaires étrangères, une Américaine proche d'Al Gore qui vient de... Elle est à la tête d'un réseau énorme d'associations de lutte, entre guillemets, contre le réchauffement climatique. Donc, c'est la mise au pas d'avocratique du système économique au prétexte du réchauffement climatique. C'est une gonzesse qui vient de Calais dans le gouvernement allemand. Elle est américaine. Cette nana-là, c'est Jennifer Morgan. C'est une citoyenne américaine. Elle est proche d'Al Gore, parti démocrate. Elle fait partie de l'appareil d'agitation autour du climat, en fait, qui est un prétexte pour mettre en place la coupe réglée de l'économie à travers le monde occidental, au profit de cette classe dirigeante, notamment par les partisans de Davos. C'est une Américaine, au sein du gouvernement allemand, avec qualité de ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'ils sont, imaginez, en France, le ministère des Affaires étrangères géré par des Américains. Les Allemands, ils en sont là. Je veux dire, quand vous entendez parler de quatrième Reich, moi ça me fait marre. Enfin, moi j'entends Philippot, le quatrième Asselineau, tous ces cons là. Non, il n'y a pas de quatrième Reich. Non, c'est Zog. C'est la botte juive dans toute sa splendeur. Hein, je veux dire, hein, ça, c'est ni plus ni moins. Ça, voilà. Donc, voilà. Enfin, les forces en présence sont clairement identifiées. Leur projet est clairement identifié. Les subterfuges. Les stratégies qu'ils utilisent pour écraser les opposants commencent à être bien identifiées. Ce qu'ils ont utilisé au Canada pour asphyxier financièrement les opposants, bon, bah, ça sera répliqué ailleurs. Hein. Ils vont utiliser ça contre les crypto-monnaies. Ils vont l'utiliser. Et ça explique aussi pourquoi ils veulent digitaliser les monnaies. Hein. Digitalisation du dollar, digitalisation de l'euro, qui est prévue par la juive Lagarde, en 2024, donc ça vient vite 2024, on est en 2022, c'est dans 2 ans. Hein. Dans 2 ans, normalement, l'euro digital va commencer à rentrer en action. Ça veut dire que... donc là, ils essayent de geler, vous savez, les comptes bancaires et tout, mais là, ça sera considérablement facilité. C'est-à-dire que vous aurez l'identité d'un gars, tout est déjà digitalisé, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez le geler non seulement sur son système de financement, vous pouvez complètement le geler tout court. Geler l'utilisation de ses papiers d'identité, l'empêcher de téléphoner, de tout. C'est leur objectif, c'est la fonction de ce truc-là. Donc ce qu'a fait Trudeau là, ça va être généralisé avec des moyens nouveaux, mais ça va être généralisé. Donc voilà, ils vont pas s'arrêter. Hein, jusqu'à... Je vois ça, là, il y a des espèces d'ambiance, là. Les gens, ce que je vois, là, sous prétexte qu'il y a des restrictions qui sont levées, les gens sont là, ah, c'est cool, c'est bon, c'est fini, ils arrêtent. Non, ça va pas s'arrêter, ça va certainement pas s'arrêter. Delfrécy a dit qu'il y aurait un rappel après l'été. Non, ça va pas s'arrêter, ils vont pas arrêter comme ça. Ils préparent la riposte, là. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ils préparent la riposte. D'ailleurs, cette Jennifer Morgan dont tu parles, je vois qu'elle est la dirigeante de Greenpeace. Donc elle intervient déjà, elle se casse déjà en place dans la prochaine offensive des globalistes qui consistera à affoler la population quant à l'avenir climatique de la planète. Exactement, parce que ça sera sous le même nom, ils vont créer... Il y aura le passeport climatique, le permis à points climatique. Tu ne pourras pas aller faire tant de kilomètres chaque mois parce que, voilà, la viande, ça sera rationné. Enfin, c'est le rationnement généralisé, voilà. Ils vont créer un passeport encadrant le rationnement avec une jolie histoire en disant « Oui, mais c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. » Oui, bah, en Grèce, c'était pour autre chose, en fait. C'est qu'on les mettait au régime sévère parce que leurs politiciens avait aidé la banque Goldman Sachs à les piller. Bon, c'était pour ça qu'on les a mis au régime sévère. Ce qui va se passer, c'est la même chose. Mais au lieu de leur dire, bon, bah, les gars, en fait, c'est les politiciens qui vous ont trahi, ils ont bouffé le pognon avec les banquiers juifs, on va leur dire, vous comprenez, hein, maintenant, si on vous serre la ceinture, c'est simplement parce qu'il fait trop chaud. Oui, mais d'ailleurs, dans ce cadre climatique, on peut observer aussi que certains pays... voient leur partie, en tout cas, de leur classe politique s'orienter vers la complication justement qui nous attend et qui est liée au climat aussi, c'est l'histoire de la réduction du nucléaire ou carrément de la sortie du nucléaire, comme le cas en Belgique et je crois d'ailleurs en Allemagne aussi, et où les gens auront beaucoup moins d'énergie à disposition parce qu'il ne faudra plus polluer, moins polluer pour ne pas déranger le climat, etc., etc. Enfin, bon, je crois qu'on voit ça apparaître un peu partout. Et pour cela, il faut quand même une complicité à grande échelle. Tout à l'heure, tu parlais d'Epstein. Epstein, là, qui était un maître chanteur, en fait. Le type invitait des notoriétés, des gens connus, des gens puissants, et les filmait, les photographiait, etc., pour mieux les tenir à disposition. On sait qu'Epstein, je crois que tu l'as dit, était un agent du Mossad. Et il n'y a pas 36 solutions pour expliquer tous ces événements. C'est le chantage ou la corruption des élites, la corruption des gens de pouvoir. Je crois qu'on en est là. Bah, d'ailleurs, sur le conflit qui pourrait se préciser en Ukraine, je crois que il y a un truc sous-jacent là, parce que c'est quoi la question du conflit en Ukraine? En fait, l'Ukraine, c'est secondaire. C'est la question de la position énergétique de la Russie vis-à-vis de l'Europe, qui depuis longtemps maintenant pose problème aux États-Unis et aux globalistes en général. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hostiles à l'idée qu'il y ait des ressources énergétiques qui viennent de Russie à destination du marché européen, mais à une condition, c'est qu'ils contrôlent directement le marché. Et Poutine, c'est ça que Poutine a stoppé à la fin des années 90. Ce qui est en train de se produire dans les années 90, c'est qu'il y avait ça s'appelait le Club, il y avait une organisation qui s'appelait le Club, qui était des banquiers juifs new-yorkais qui préparaient la prise de contrôle de la Russie. L'objectif étant de démanteler la Russie comme État, de la scinder en une série de républiques, à la tête de laquelle on aurait placé des oligarques juifs, et dont les États-Unis auraient eu le contrôle de l'exploitation énergétique. Parce que toute la grande stratégie américaine, c'est le contrôle de l'énergie. C'était ça en Irak, etc. Pas tellement pour eux, mais pour contrôler les périphéries qui sont productives, l'Europe, l'Asie. Et Poutine a mis un coup d'arrêt à ça. C'est-à-dire que Poutine a dit non, les ressources ici, ça nous appartient. Ça appartient à l'État russe. Donc on peut critiquer Poutine sur toute une série de choses, on peut tout ce qu'on veut, mais il y a une chose qu'il a faite, c'est qu'il a restauré la souveraineté de l'État russe sur l'exploitation énergétique. Alors évidemment, il passe par un système de fermage où il y a des oligarques qui en fait bénéficient eux-mêmes de l'exploitation. En fait, il intéresse des oligarques à l'exploitation des ressources, mais c'est dans un écosystème russe. Depuis qu'il a évincé le club new-yorkais de Russie, les États-Unis sont rentrés dans une posture hostile contre Poutine. Ce qui fera dire d'ailleurs à Boris Berezovsky, l'oligarque juif russe qui avait milité pour mettre Poutine à la tête de la Russie à la place de Yeltsin, que c'était la plus grande erreur de sa vie. Qu'il n'avait pas du tout vu venir Poutine. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? L'histoire en Ukraine, peu importe, on va pas rentrer dans les trucs, c'est qui a raison, qui a tort, on s'en fout, on s'en fiche. Il faut voir ce qui est en train de se passer du point de vue américain. Pourquoi les Américains ont pris l'initiative très vite de faire monter la sauce vis-à-vis de la Russie? Parce que c'est l'équipe Biden qui a mobilisé. Les Européens étaient en train de somnoler, soi-disant que les Russes allaient foutre la main sur l'Ukraine. Et en fait, ce qui n'est pas impossible, je veux dire. Ce qui n'est pas impossible. Mais ça ne posait aucun problème, puisque les Russes avaient prévu leur coup, ils avaient détourné le gaz à destination de l'Allemagne, qui est leur principal partenaire commercial en Europe, par Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc en fait, l'Ukraine n'avait plus aucun rôle stratégique vis-à-vis de l'Europe, ce qui n'était pas le cas en 2014. Donc en 2014, l'Ukraine avait une fonction stratégique essentielle pour l'Europe, puisque transitaient par là les gazoducs. Maintenant, si vous voulez, c'est un pays, mais il n'a plus d'intérêt économique pour l'Europe et pour l'Allemagne. Nord Stream 2 a été complété, et là, tout d'un coup, l'équipe Biden dit « Au secours, il va y avoir une invasion, c'est pas possible, il va falloir prendre des sanctions », et ils ont mis la pression, une pression énorme sur l'Allemagne pour qu'elle suspende Nord Stream 2. Et il y a notamment Baerbock, la nouvelle, qui vient des écologistes, qui a été placée à la tête du ministère des Affaires étrangères. Les écologistes en Allemagne, c'est la CIA, ok, c'est pas la... Cherchez pas midi à 14, c'est la CIA. Okay. C'est des agents de la CIA. Ils sont exactement comme du temps de l'Union soviétique dans le bloc de l'Est. Le KGB plaçait ses mecs à la tête de tous les États satellites. C'est exactement la même chose. Baerbock, c'est un agent américain. D'ailleurs, vous avez vu qu'elle est flanquée de la fameuse Morgan qui chante partout son histoire d'apocalypse climatique. Et cette vipère de Baerbock, elle a dit que si jamais il y avait du micmac en Ukraine, ils allaient suspendre Nord Stream 2. Mais ce qui est un non-sens au plan allemand. C'est un non-sens au plan allemand. Le but de Nord Stream 2, c'est de sécuriser définitivement les apports de gaz en provenance de la Russie vers l'Allemagne et de contourner le risque géopolitique en Europe de l'Est, notamment en Ukraine. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème en Ukraine avec la Russie, l'Allemagne n'est pas impactée au plan énergétique. C'est la raison d'être de Nord Stream 2. C'est pour ça que les Allemands l'ont négocié avec les Russes. C'était un deal entre les Russes et les Allemands en disant, bon les gars, si, peu importe ce qui se passe en Ukraine, là, en moins, entre nous, on fera des affaires et voilà. Et là, il y a la Baerbock qui dit, non, on suspend. Il y a Biden qui dit, on suspend. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il faut avoir un peu de suite dans les idées. T'as la Morgane qui a été implantée dans le gouvernement allemand, et on est en plein sur le Great Reset. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fous en l'air l'approvisionnement énergétique de l'Europe à destination de la Russie, mais le prix de l'énergie en Europe, il va exploser. Le coût de la vie va s'envoler. Et on va basculer dans le rationnement que ces types recherchent. Avec le Great Reset. Ils ont leur excuse toute trouvée. Ils peuvent dire, bah voyez, voilà, avec les Russes, on peut pas être dépendant de ces gens-là. Vous avez vu, bon, bah va falloir qu'on diversifie nos moyens. Bon, évidemment, il n'y a pas d'alternative au gaz russe, hein, parce que sinon, il y a longtemps qu'il serait passé à autre chose. Hein. Donc, c'était l'objet de la guerre en Syrie, d'ailleurs, hein, faire venir du gaz du Qatar. Ça a raté, les Russes ici ont posé. C'est très intelligent, ils ont bien joué leur partition, les Russes. Donc, il n'y a pas d'alternative au gaz russe. Donc, quand on dit on coupe le gaz russe, quand vous avez des nanas corrompues comme von der Leyen qui a tué à toi avec le juif Bourla de Pfizer et qui maintenant est en train d'expliquer qu'il faut couper le truc. Pour qui elle bosse? Elle bosse pour Washington, ok, on a compris. Donc, vous voyez, en fait. Ces gens ont intérêt à ce que ça se passe mal avec la Russie. Donc, ce qui serait probablement resté un truc, une embrouille entre Russes et Ukrainiens, va devenir une embrouille européenne parce que les Américains, parce que les Juifs, parce que les Britanniques vont foutre la zone. Ils vont faire un max pour que ça tourne mal. Ils vont mettre pour essayer, en fait, de saboter quoi ? Le rapport entre l'Allemagne et la Russie. Voilà, l'idée, c'est ça, de couper l'approvisionnement en énergie. Et là, on va voir tous les coûts de production s'envoler. Et ils vont nous. Et là, on va voir Schwab, on va voir Soros, on va voir Bill Gates, on va voir tous ces mecs-là, tous les agents de ces mecs-là rentrer dans la danse et dire bah, vous avez vu, il va falloir repenser la société, il va falloir complètement truc et machin, truc. Ils ne fonctionnent que par la terreur et le chantage. Donc, un coup, c'est une pandémie, un coup, c'est le terrorisme, un coup, ça va être une guerre, un coup, c'est la pénurie d'approvisionnement, ça ne va être que ça. C'est mon interprétation de la situation. Oui, il y aura des gilets jaunes, mais alors puissance 1000. Hein. Déjà, le prix du blé, le prix de l'alimentation a déjà monté considérablement, le prix du gaz est déjà en train de monter, ça ne va pas s'arrêter, l'électricité, pareil. Donc, oui, il va falloir... s'attendre à des lendemains difficiles, mais ce sera l'occasion justement de voir si la force populaire est suffisamment forte pour renverser totalement la table et finalement mettre ce groupe d'oligarques. J'ai un peu la réponse. T'as qu'à regarder les gens, comment ils sont comportés avec le Covid et les masques et la vaccination. Tu vois, l'ambiance, elle n'est pas à la révolte. Hein. Je suis désolé. Hein. Il y a des gens qui sont opposés, mais le gros de la population, il ratifie absolument tout. Hein. Il ratifie absolument tout. Hein. C'est le niveau de domestication a atteint des niveaux. Enfin, le niveau de domestication a atteint une ampleur effrayante, hein. Vraiment. Donc, je suis pas du tout. Moi, je suis pas enthousiaste hein, là-dessus. Hein. Bon. Mais quand on touche le portefeuille des gens, quand il y a, c'est peut-être un petit peu aussi la critique qu'on pourrait faire aux gilets jaunes, c'est-à-dire de dire en gros, vous avez bougé que parce que votre portefeuille était un petit peu moins garni. Mais là, en tout cas, moi je suis pas critique des gilets jaunes, je les ai soutenus dans leur majorité. Mais en tout cas, les conditions objectives pour que renaisse un mouvement comme tel va apparaître. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Mais bon, il y a tout de même aussi voilà les routiers canadiens qui sont un motif d'espoir, même s'ils sont en train d'être chassés d'Ottawa, dans d'autres villes, ils restent présents et c'est bien. Bah, c'est comme les gilets jaunes, c'est-à-dire que toi, le truc... C'est, voilà. Ben, au bout d'un moment, c'est la question d'une révolution. Une révolution, ça se fait pas comme ça. Tiens les gars, on va faire la révolution. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. La révolution suppose des organisations révolutionnaires déterminées avec des plans et tout. Et comment dirais-je, ce qu'on a, c'est des jacqueries. On a des jacqueries actuellement. Et les jacqueries, ça ne peut pas servir de base à un mouvement révolutionnaire. Ce sont des mouvements de protestation spontanés qui disparaissent tout aussi spontanément. Et c'est fondamentalement différent d'un mouvement révolutionnaire. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Les gilets jaunes, ça a duré quand même. Mais la vraie phase des gilets jaunes, c'était au tournant 2018-2019. Ça a duré un mois et demi. C'était là que c'était vraiment le mouvement populaire. Après, l'extrême gauche et son agitation dans la rue, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, rien à voir. Et comment dire, l'opposition au Covid, elle est marginale, elle est solide. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de millions de gens qui sont opposés, mais elle est marginale. Donc, dans ce contexte-là, s'ils nous font leur grand numéro sur le Great Reset et tout, guerre avec la Russie, crise énergétique, vous comprenez, voilà. Ouais, imaginez. Il y a une guerre avec la Russie. L'approvisionnement en gaz est suspendu. Les coûts de l'énergie explosent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les types? Les oligarques de Davos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver avec leur permis de circuler. Pas le permis d'aller d'un point A à un point B, ça, ils l'ont déjà avec le Covid. C'est le quota d'essence à utiliser. C'est ça qui va se produire. C'est-à-dire leur but, c'est de contrôler tous les aspects de la vie des gens. En ce sens-là, c'est un vrai système totalitaire. Ils ne veulent pas simplement fixer une ligne politique. Ils veulent pouvoir déterminer de la façon dont vous vous déplacez, ce que vous consommez, ce que vous mangez, où vous habitez, qui vous rencontrez. C'est ça leur projet. C'est pas uniquement... C'est pas, vous savez, c'est pas les vieilles dictatures sud-américaines ou... comment dire, où t'as un leader en place, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Un système totalitaire, c'est un système qui façonne la vie des gens, et c'est leur projet. Vous n'avez qu'à les écouter, ils vous parlent de la façon dont ils vous disent quel type de sexualité vous devez avoir, avec le LGBTisme, ils vous disent ce que vous devez consommer ou ne pas consommer, donc la viande, etc., des insectes, bon. Combien de personnes vous devez rencontrer avec leur concept de bulle sociale qu'ils ont essayé de mettre en avant lors du Covid, où en fait vous avez un quota de gens à rencontrer dans le mois. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Évidemment, geler les avoirs. Donc en fait, c'est-à-dire abolir la propriété privée. Quand Trudeau gèle les comptes en banque, il abolit la propriété privée. C'est-à-dire que ça n'est plus garanti par l'État ne protège plus la propriété. L'État intervient, s'empare de vos biens, parce que politiquement, vous êtes dérangeant. Donc on abolit la propriété privée. C'est hallucinant, mais c'est ça. Donc, et on en est qu'au début. Moi, je vous dis, on a 10 ans à manger de ce truc. Hein. On a une décennie à subir, hein, 2020-2030. Hein. Et ça va être de plus en plus bourrin. Alors, si les gens ont l'impression que c'est bourrin maintenant, je vous raconte pas ce que ça va être en 2024-2025, quand ils auront la monnaie digitale. Ça va être délirant. Ça va être délirant. Hein. Ça va être délirant. Donc, les gens se préparent. Hein. Il faut que les gens se préparent. Il faut qu'ils se préparent. Et en plus, et c'est ça le plus grave, ils ne vont pas tolérer un seul espace de liberté alternative parce qu'ils savent, et c'est dialectique, que s'ils laissent un espace de liberté, quelque part, tous les déçus vont converger vers cet espace. C'est le propre des systèmes totalitaires. Le système totalitaire ne peut pas tolérer un interstice où les déçus se réfugient. Parce que ça crée un phénomène de coagulation, de fermentation, et ensuite d'opposition organisée. Donc, ils ne vont pas le tolérer, ça. Donc, vous les voyez interdire l'enseignement à la maison, etc. C'est ce truc-là. Donc, je ne veux pas paraître catastrophiste, hein, mais pour moi, on en est à ce point précis, là. Ils ont des trucs vraiment en tête, ils vont aller au bout. Et les élections vont pas résoudre ça. Je veux dire, vous voyez, ces gens, c'est ça qui m'ennuie avec les élections, c'est que les gens croient qu'on peut dégager ces gens avec des élections. Ouais. Non, ils sont dans les ministères, ils sont dans les tribunaux, ils sont dans l'administration, ils sont dans les médias. Ces gens-là, vous votez pour qui vous voulez, ça les fait pas partir. C'est là qu'une révolution est nécessaire. Une révolution, la fonction, c'est de purger l'appareil. Concernant les grèves de routiers ou les convois de la liberté, c'est une stupidité absolue. C'est-à-dire que c'est vraiment pas avec ça que les gens vont gagner quoi que ce soit. Ils vont perdre du fric parce qu'ils vont gaspiller du carburant. Alors que la meilleure des méthodes aurait été celle-ci, c'était de dire « Ok, il n'y a pas un camion qui sort. » Parce que quand tu as une grève de routiers générale et absolue, sans un seul camion sur la route, le problème c'est que l'État va être obligé de réquisitionner l'armée. Mais tu n'auras jamais assez de chauffeurs pour conduire les camions. Ça, c'est le meilleur moyen pour les tenir et pour faire tomber le système. C'est dire, ok, maintenant, il n'y a plus un seul camion qui circule. Là, je te garantis qu'en une semaine, tout le système européen, tout le système canadien, tout le système américain se crache. Ouais, mais les gens n'ont pas intérêt à ce que ça se crache, parce que justement, ils tiennent à leur vie quotidienne, etc. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'ils ne veulent pas le crash. Tu vois? Ouais, mais c'est ça qui est décevant. Hein. Parce que bon, aller faire le zouave avec son camion, c'est très beau, mais de toute façon, c'est toi qui payes le diesel. Hein. Oui, puis ils te le saisissent, hein, en dernière analyse. Hein. Ils te le prennent, hein, faut pas rêver. Hein. Si ces chauffeurs sont les pas. Ou même s'ils sont simples employés, c'est l'entreprise qui va payer. Enfin, ils utilisent des moyens, des méthodes de mafieux, quoi, hein, pour venir à bout de leur truc. Tout à fait. Donc voilà, mais alors, si Macron repasse, ou si c'est Pécresse qui sera la même chose, je veux dire, ça sera. De toute façon, ils sont interchangeables. Ils vont bourriner, ça va être. Donc moi je sais pas, parce que bon, avec la Russie, l'Ukraine, c'est toujours très compliqué, parce que vous savez, ces imbroglios, plus souvent c'est des embrouilles qui durent depuis des siècles, ouais, donc c'est pas des trucs, tout est toujours mélangé. Mais ce qui est sûr, c'est que cyniquement, le conflit de toute façon est souhaité par les États-Unis. Il n'y a pas de problème, les Américains le souhaitent ça. Pas du tout pour l'Ukraine dont ils se foutent, mais pour justifier la rupture énergétique avec la Russie. Ça, c'est le grand rêve de l'Amérique, enfin de Washington. C'est leur grand projet. Et donc voilà, pas étonnant de retrouver des agents américains dans le gouvernement allemand pour faire du sabotage, surtout à ce moment précis. Donc oui, voilà où on en est. Donc l'Europe est une colonie, pas des États-Unis en tant que nation, parce que c'est pas les. c'est pas la nation américaine hein, qui est en mouvement, hein, mais des gangs qui contrôlent l'Amérique, dont vous connaissez hein, l'origine, hein, voilà, donc qui sont en mouvement. Voilà. Bah, je vous propose de nous séparer, de nous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine.